sera interviewé par François Payotte. Lors de la deuxième partie, vous pourrez poser vos questions par écrit à Alexandre, qui se fera un plaisir d'y répondre. Vous trouverez à cette fin des petites feuilles et des crayons sur les tables de la salle d'accueil. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, accueillons comme il se doit Alexandre Lachance, accompagné de François Payotte. Alors bonsoir et bienvenue au Centre pour cette nouvelle étude de l'université, la table ronde de l'Université mondiale. C'est une soirée particulière, très spéciale, parce qu'on a une leçon, là, votre symphonie sur le clavier cosmique, qui est, je pense, une pierre d'angle, une pierre angulaire dans tout cet enseignement-là. Et vous allez voir la connotation très scientifique, physique et métaphysique réunie dans cette leçon. Alors, elle ne comporte que 6 pages. Et c'est déjà beaucoup de stock. Parce il y a beaucoup de matériel, effectivement. J'ai passé une dizaine de jours sur ces 6 pages. Là, et on aura besoin donc de vos commentaires très éclairés sur chacun de ces chapitres-là. On va pouvoir progresser très lentement parce que je pense que c'est une matière très, très importante. Oui. Alors, cette section s'appelle « Votre symphonie sur le clavier cosmique ». Dans la leçon 1 de cette série des mathématiques karmiques et la science de service, nous avons discuté de la loi de précipitation, dont la fonction est d'effectuer la transmutation de l'énergie mentale en substance mentale, en cristallisant le service rendu en service matérialisé au sein du creuset de l'esprit. Dans la leçon 2, nous avons discuté de la loi de compensation, dont la fonction est d'effectuer la retransmutation de la substance mentale en énergie mentale, transformant ainsi la richesse provenant du service rendu en puissance spirituelle, toujours au sein de ce même creuset. La première loi garantit un standard de vie plus élevé par l'augmentation des possessions matérielles. La seconde loi garantit un standard de protection plus élevé par l'augmentation d'autorité spirituelle. Alors, est-ce qu'il conviendrait de faire peut-être un petit résumé? Oui, voici. Ce qu'on a vu? Maintenant, ce clavier cosmique, on pourrait l'interpréter comme la totalité de toutes les forces psychiques, spirituelles en existence dans notre monde. Maintenant, ces forces-là, on y a accès pour peu que l'on réalise leur existence et que l'on s'y branche. Que ce soit des forces purement grossières ou des forces subtiles, par le biais de notre psyché, de notre esprit, on peut y établir contact et s'en servir pour toutes les fins salutaires, dans notre vie et dans la vie de notre environnement aussi. Alors, ce clavier cosmique, c'est la nature tout entière. Mais seulement, cette partie de la nature qui est invisible, impalpable, mais plus elle est subtile, plus elle est dynamique dans notre vie. Alors, ce clavier cosmique, on le joue selon notre virtuosité. Et à mesure que l'on pratique sur toutes les gammes de notre clavier, on va voir que l'on a accès à des forces supérieures qui véritablement produisent des résultats. Alors, c'est ce que l'on s'efforce de faire, de comprendre d'abord et de s'y assimiler, de s'identifier, afin de dire « je travaille avec l'esprit et l'esprit travaille pour moi ». Le troisième et dernier aspect au problème d'atteindre la sécurité optimale dans un environnement ayant le maximum d'avantages, et ceci est votre but économique le plus élevé possible, consiste à relater votre performance individuelle à l'expression collective de l'économie parfaite. Le système économique qui doit inévitablement avoir sa fondation dans la moralité financière individuelle ne peut remplir ses possibilités collectives dans une société avancée tant que toutes les unités de ce système n'ont pas appris à s'harmoniser avec toutes les autres unités. De là, nous arrivons au point de l'étude où il est nécessaire d'acquérir la compréhension d'une manière d'éviter les conflits inhérents à ce système présent de pratiques économiques, préparant ainsi le chemin vers la prospérité universelle, rendue maintenant réalisable pour la première fois à une échelle mondiale. Alors voyez-vous, ici, on fait une équation entre la moralité et les valeurs matérielles. Et comme la moralité, ce n'est pas simplement une façade que l'on doit porter, dont on doit se revêtir, elle doit s'exprimer dans toutes les actions de notre vie. Alors la moralité financière, ou sinon la moralité sociale, tient lieu de notre comportement vis-à-vis de notre prochain, dans toutes les relations, dans toutes les transactions que l'on peut faire. On dit que le commerce est basé sur la pratique de servir aux dépens d'autrui. Alors, tout service exige une compensation, mais on a tendance à abuser de ces choses-là. Alors, tout service doit être compensé par un service réciproque qui est de même nature, ou sinon de même nature, qui est l'équivalence. Alors, c'est ce à quoi cela vise, notre captation de ce clavier cosmique que l'on doit jouer sur toute la gamme. Alors, vivre moralement aussi bien dans nos relations sociales que dans nos relations économiques, c'est-à-dire que s'assurer qu'il y a bien échange de valeurs et non pas simplement du troc au profit de ceux qui mettent en circulation. Avant que nous puissions considérer intelligemment la solution au problème de créer un système économique qui placera la race au-delà du dommage karmique, et ceci est l'intention suprême de tout ordre financier valide, il est nécessaire que nous élargissions notre vocabulaire commun. Plus spécifiquement, nous devons établir un clavier sur lequel nous pouvons harmoniser, dans notre esprit, les aspects variés de notre univers immédiat. Cette harmonisation doit être en accord avec la correspondance fondamentale qui existe entre le céleste et le terrestre, entre l'étoile et l'atome, entre ce qui existe en haut, le macrocosme de Dieu, et ce qui existe en bas, le microcosme de l'homme. Jouant par conséquent la majestueuse symphonie de la création sur ce merveilleux instrument, et regardons le déploiement de ce plan divin qui transportera la civilisation humaine de cette planète vers un accomplissement ultime. Bon, alors voici, alors cette symphonie que l'on joue consiste à introduire dans notre cheminement, dans nos pensées quotidiennes, toute cette musique, toutes ces vibrations, toutes ces influences qui viennent de plans supérieurs, et on les ajoute à notre vie quotidienne afin de magnifier l'effet que l'on cherche à produire dans notre vie quotidienne. Alors, il s'agit d'avoir accès à la totalité de l'âme universelle, qui elle-même est énergie aussi bien qu'intelligence, et quand on a introduit ce plan animique, cette animation dans notre propre vie, non seulement nous sommes-nous magnifiés, mais notre influence est aussi magnifiée, de sorte que l'on est infiniment plus influent et plus bienfaisant à mesure que l'on poursuit notre cheminement. On est définitivement branché sur l'universel et on ne peut faire autrement que de magnifier notre efficacité dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, créer un système économique qui placera la race au-delà du dommage karmique? Dommage karmique, si vous êtes né d'une famille qui a souffert de pénurie pendant plusieurs générations, alors ce sera un tour de force pour vous de sauter subitement d'un plan d'affluence, alors que toute votre antécédence, votre héritage ancestral a été voué à la pénurie. Alors, ce sera graduel que le transfert va se faire et que le sens d'abondance va se créer sur la Terre, aussi bien dans des collectivités restreintes que dans des ethnies. Alors, ce changement, cette transmutation se fera d'abord par le biais de la prise de conscience des individus de plus en plus groupés, et là, on vivra dans l'abondance. C'est la seule manière de vivre pleinement, parce que si on n'a pas suffisamment pour soi-même, on est tout à fait incapable d'être bienfaisant envers autrui. Est-ce que vous entendez suffisamment, Alexandre? Non, hein? C'est bien ce qui me semble. On va mettre ça plus haut. Peut-être plus haut, hein? Oui. Oui, ça se remet comme ça. Merci. Excusez-moi. Alors, l'idée basique de cette technique-là, qui consiste à se brancher sur l'inconscient collectif, sur l'âme universelle, laisser Dieu agir à travers tous et chacun de nous afin d'améliorer toutes les circonstances de notre vie, c'est ça que l'on veut dire par se brancher sur le clavier cosmique. Parce que l'univers, on dit que tous les plans de conscience qui nous entourent, ça représente par l'harmonie des sphères, la musique des sphères. C'est une musique humaine mais sur laquelle on doit se brancher afin de ne pas dire que ce que je fais, c'est uniquement ma propre création individuelle. Ce qui passe à travers moi, c'est ce qui est infusé en moi par ma caption des plans supérieurs de conscience. Pour toute fin pratique d'explication à ce temps, nous vivons dans un univers septénaire, c'est-à-dire dans un système de création divisible en sept plans ou dimensions fondamentales. Les ramifications de cet arrangement septénaire sont infinies, car les vérités fondamentales peuvent s'appliquer infiniment à tout système de pensée et d'action auquel l'homme puisse se vouer. Voici, on nous dit qu'il y a trois lois en relief dans l'univers. La loi de la Trinité, la loi du septenaire, la loi de l'octave et la loi du duodénaire. Et la loi du septenaire, c'est simplement ce dispositif que l'on a dans notre arbre de vie, les sept centres de conscience, qui sont branchés sur les sept plans de conscience de sept planètes qui nous entourent, qui nous émettent leur énergie collective. Et quand on a éveillé ces centres en nous, par les moyens qui sont mis à notre disposition, on est conscient de toute l'énergie qui a été mise par ces sept plans de conscience qui nous entourent. C'est cette planète qui nous dirige leur énergie à mesure qu'elle tourne autour de nous. Alors, il y a une relation qui est établie automatiquement entre le petit monde que nous sommes et le grand monde qui sont ces êtres. Parce que les planètes ne sont pas des masses de matière, ce sont des êtres trinitaires aussi bien que nous le sommes, des grands êtres dont le but est de nous alimenter de leur énergie respective. Leur énergie diffère selon leur éloignement du soleil et leur qualité. Mais ces êtres-là existent et sont les sept trônes qui sont autour du point central. Alors, quand on a établi ce point de contact-là, en nous d'abord, en éveillant nos centres spirituels, nos centres de conscience, nous sommes immédiatement, par le fait même, en contact avec l'énergie mercurielle, l'énergie vénusienne, martienne, jupitérienne, etc. Les noms ne veulent rien dire, mais leurs qualités veulent dire beaucoup. Alors, l'énergie mercure, c'est la souffleuse de pensée. Vénusienne, ce serait l'affectivité, aussi avec l'amour. Et chaque plein de conscience se réfléchit en nous et a un effet dynamique dans notre comportement, aussi bien que dans notre conscience. Ainsi, si la civilisation de Dieu en termes de l'ordre divin est si parfaite qu'elle puisse harmoniser la vie sur sept plans de développement progressif, ainsi le propre état de civilisation de l'homme peut être si parfait qu'il puisse harmoniser sept départements d'activités humaines primaires en sept stages progressifs, confirmant ainsi la vérité de l'ancien axiome « ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas ». Jusqu'à ce que la correspondance entre le haut et le bas soit développée au point d'identification complète dans l'esprit de l'observateur, on ne saurait dire que l'évolution de la personnalité humaine et les institutions à travers laquelle la personnalité pourvoit a jusqu'à présent atteint son plein épanouissement. Jusqu'à présent, voyez-vous, nous sommes conscients de trois plans de conscience, de trois modes de manifestation. Le mode minéral qui est censé être inerte, ce qui est faux. Et le monde animal, le règne animal, dont nous faisons partie, quoique avec une qualification supérieure. Et le monde végétal, naturellement. Mais au-delà de tout ça, il y a quatre autres mondes que, faute de meilleurs termes, on appelle le plan angélique. Hein? Le plan archangélique ou le plan... tous les termes que l'on voudrait employer, soit en théologie ou en métaphysique. Mais nous sommes au point équidistant entre l'infiniment subtil et l'infiniment grossier. Et quand on a établi cet contact avec la totalité des forces qui existent dans l'univers, on peut osciller du plus subtil au plus grossier à mesure que l'on comprend comment s'en emparer. C'est ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Et pour le démontrer, on a devisé cette méthode de transmutation qu'on appelle le magistère. Mais le but de ce magistère, c'est de faire la même chose en nous, de transmuer nos énergies grossières en énergie subtile, afin de capter toute l'énergie qui existe dans l'univers, auquel nous avons accès à cause de notre participation au Créateur. Pour rendre notre explication aussi simple que possible, concevons l'univers divisé en sept compartiments égaux, mettant l'emphase sur l'égalité de l'importance de chaque aire d'activité. Chacun de ces compartiments ayant un nom correspondant au degré de vibration atomique communiqué à l'essence vitale, associés à ces différents plans d'êtreté? Voici, présentement, on prétend que nous vivons sur le plan purement matériel, et parce que l'on a accès à rien qu'aux trois formes de matérialité, que l'on appelle le solide, le liquide et le subtil ou le gaz. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de spirituel qui monte de plus en plus de gradation. Et à mesure que l'on a réussi à maîtriser les plans inférieurs, on a ultimement, immédiatement, accès au plan supérieur. On l'appelle psychique, mental, hypermental, jusqu'à ce qu'on atteigne un plan subtil, un plan tellement subtil que l'on ne soupçonnait pas l'existence auparavant. Alors, il s'agit de graviter, de gravir toute cette échelle du plan conscientiel qui existe dans l'univers, qui est le clavier cosmique proprement dit, avec ses sept notes de l'octave. Bien qu'il soit difficile de trouver les mots qui soient adéquats dans leur description du mouvement hyperdimensionnel, nous emploierons ces désignations afin de concentrer la clairvoyance et la perception intuitive sur les sept plans de réalité, préférant là où cela est possible d'employer des noms et expressions avec lesquels l'esprit de l'étudiant est familier. Elles sont dans l'ordre croissant de subtilité. Premièrement, la matière. Deuxièmement, l'éther. Troisièmement, la lumière. Quatrièmement, l'intelligence. Cinquièmement, le feu. Sixièmement, l'espace. Et septièmement, l'esprit. Voici. Ces plans-là sont tous, comme on le voit, de plus en plus subtils. Mais à moins de tout inclure ces plans de conscience dans notre comportement, nous vivons fragmentairement. Alors, à mesure que l'on maîtrise la matière, que l'on est conscient de l'ascendant qu'on peut avoir sur notre comportement matériel, l'on gravit imperceptiblement, de plan en plan, jusqu'à ce qu'on arrive finalement à la lumière qui nous éblouit, jusqu'à ce que l'on ne puisse contrôler la matière à volonté. C'est graduel, c'est un cheminement qui mène toujours à la lumière, et nous sommes des êtres de lumière, malgré que nous n'en soyons pas réellement conscients. Alors l'homme est un être de lumière engrossé dans de la matière très récalcitrante, mais dès qu'il commence à éveiller ses centres de lumière en lui, les uns appellent les chakras, ce sont des centres de conscience. Il devient de plus en plus conscient sur tous les plans. Et c'est le but de tout enseignement ésotérique, de tout enseignement religieux, de tout enseignement initiatique, et principalement celui de l'enseignement théocratique que l'on préconise ici. Mais pour bien le comprendre, pour bien s'en imprégner, il faut y méditer longtemps. Parce que les mots, dans certains cas, surtout dans quelque chose de subtil, sont apparemment inadéquats aux idées que l'on veut communiquer. Mais derrière les mots, il y a un message que l'on peut percevoir intuitivement. Et souvent, à la faveur d'une méditation, un éclair de lumière se fait voir, et l'on dit « Ah, je n'ai pas compris les mots, mais j'ai compris l'idée, je l'ai saisi. » Et là, ça vient comme une révélation, comme une intuition. Alors l'intuition, c'est de l'intelligence supramentale, et ça arrive fatalement, inévitablement. C'est une fonction qui est l'apanage de tout le monde. Et ça arrive quand on a épuisé toutes les forces de la rationalité, de la raison ou de l'observation. Alors, je rappelle les sept compartiments qui divisent l'univers, la matière, l'éther, la lumière, l'intelligence, le feu, l'espace et l'esprit. Bien sûr, c'est un fait que l'univers est bien moins un plan qu'une sphère. Et quelque part, les extrêmes de la matière et de l'esprit doivent se rencontrer. C'est cette rencontre des extrêmes et le rôle joué par l'intelligence dans la réconciliation de ces soi-disant opposés qui occuperont notre attention à mesure que nous procéderons. Justement, on a élaboré quelque temps sur les deux états de la matière. Des états qui sont diamétralement opposés, mais qui en réalité n'en forment qu'un seul. C'est-à-dire que l'esprit, c'est de la matière subtilisée, alors que de la matière... C'est de l'esprit qui est rendu grossière, qui est rendu palpable, tangible. Mais la matière est spirituelle, autrement elle n'aurait pas d'existence. Elle a un mouvement qui spire, un mouvement de vibration, de nutation, tout comme tout ce qui a une existence quelconque. Et plus la vibration est lente, et plus la matière est grossière. Contrairement, plus elle est rapide, plus la matière est subtile. Et quand vous avez atteint le niveau d'intelligence, là, ça dépasse toute forme d'entendement. Parce que l'intelligence, c'est le moyen qui a été donné à l'homme de passer à travers tous les 6 plans qui précèdent et comprendre les ramifications que l'on trouve dans ce domaine, dans ces 6 domaines-là. Mais le but de cet enseignement, la gravitation, des sens de conscience, des plans de conscience, c'est simplement de devenir pleinement conscient de ce que l'on est. Et ça arrive inévitablement, fatalement. Parce que cet enseignement-là, ou cette conscience-là, se révèle souvent à notre insu au moment où l'on est, même parfois, où on ne soupçonne même pas. Comme des éclairs d'intelligence, des éclairs d'intuition. Et ça arrive. C'est inévitable. Pas comme le développement de certains sens qui arrivent à notre insu. Ces 7 désignations qui viennent d'être énoncées sont comme des clés sur un instrument musical. Elles comprennent une octave, et quand on dépasse la 7e clé, la prochaine recommence la séquence sur un palier supérieur. C'est comme si on étudiait un clavier cosmique en essayant de trouver la mélodie à la totale symphonie de la création. Oui, merci. Je peux jouer une mélodie quelconque. Dans les notes basses d'un clavier, un clavecin, du piano, disons. Mais je peux jouer la même mélodie dans une octave médiane ou bien sur une octave supérieure. C'est toujours le même message. Le message du clavier est une vibration, un mouvement vibratoire, un mouvement qui mène à la conscience totale. C'est toujours la même mélodie. La mélodie, c'est la conscience d'être, le « je suis » qui se manifeste sur différents paliers. Et à mesure que l'on gravite cette échelle cosmique, cette échelle de vibration, on devient de plus en plus conscient de la totalité de ce qui est dans l'univers. Et aussi ce que nous sommes. On dit nous sommes ce grand tout, alors que préalablement, nous croyons être simplement fragmentés en des individus séparés. Ce n'est pas notre but d'aller au-delà des 7 plans fondamentaux de cet univers auquel notre soleil Hélios appartient. Mais on doit se souvenir que toutes les 7 dimensions mentionnées, assez importantes pour dérouter l'imagination humaine, peuvent être regroupées pour former le plan physique cosmique, qui à son tour devient le premier des 7 hyperdimensions à former la structure du cosmos au-delà de la galaxie auquel notre Soleil appartient. Ce qui existe au-delà d'Alcyone, qui est le centre de notre univers particulier, ne peut qu'être sujet à conjecture. Ultimement, nous sommes forcés de traiter avec des univers multiples, comprenant 12 univers de structures compatibles, tels qu'ici décrits, et ce qui existe au-delà dépasse toute conjecture. Voici, quand on parle d'Alcyone, c'est pareil comme que la comparaison que l'on faisait avec le Très-Haut, le Soleil, autour duquel notre propre Soleil tourne, et dont on le considère comme étant le Fils du Très-Haut. On l'appelle le Christ, la conscience solaire, on l'appelle la conscience christique. Mais Alcyone, qui est le Très-Haut, c'est un être de lumière, comme tous les êtres qui nous entourent, qui est 360 fois plus gros que notre Soleil. Et notre Soleil tourne autour de ce centre-là. Et ce centre a sa répercussion dans tout le système solaire. Et par le biais du Soleil même, d'Hélios, alors là, il se trouve être réparti. Par le plan des plans de conscience ou des planètes qui nous entourent aussi. Alors, Alcyone, c'est le Très-Haut. C'est ce que les grands illuminés appellent le Père, alors que les ambassadeurs s'appellent le Fils. Hein? Nominalement, Jésus, par exemple, ne se considère pas comme le Père. Il se considère comme le Fils du Père, hein? Alors comme l'ambassadeur. Alors, après que l'on a atteint cette conscience christique par l'éveil de nos centres endocriniens, là, on est conscient du Très-Haut, ou d'Alcyone, comme on l'appelle ici dans ce sens-là. C'est un terme hindou qui veut dire le Très-Haut, exactement. Ça, c'est la conscience du Père. Et quand on a atteint cet état-là, nous sommes véritablement trinifiés. Nous avons en nous les 3 aspects de la déité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour employer les termes de la religion chrétienne, si vous voulez. Alors, ces 3 éléments-là qui forment la trinité de notre être, on doit en devenir conscient dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Alors, quand on a réalisé cette trinité-là, là, nous sommes en mesure d'agir pleinement avec toutes les capacités de notre être-té. Hein? Alors, ça, c'est le but de l'identification au centre christique pour devenir total, faire une unité entre le corps, l'homme et l'esprit, par le biais de l'essence christique et des centres endocriniens qui résident en nous, que l'on éveille à mesure que l'on procède. Alors, pour le présent, nous devons considérer les éléments fondamentaux de l'univers septénaire qui contient le système solaire, qui comprend trois paliers, la matière, l'intelligence et l'esprit. Ces dimensions comprennent la première, la quatrième et la septième note du clavier cosmique. Dès que ces trois dimensions sont définies en termes de vibrations atomiques et donnent un rôle défini à l'aspiration humaine, ce qui reste des quatre autres tombera dans leur place respective comme facteur de support dans l'évolution de l'âme individualisée. Justement, alors nous, dans le domaine de la musique, on considère la tonique, la médiante et la prédominante ou l'hypertonique, si vous voulez. Hein? La tierce, la quinte, etc. et l'octave. C'est la même chose pour le clavier commun que pour les forces qui nous entourent. Alors, on prend la première, la troisième, la cinquième et l'hyperoctave. Mais ces choses-là viennent, ça arrive, se développent à notre insu. Par exemple, l'éveil de la conscience ne se fait pas soudainement, il se fait graduellement. Mais il y a un éclair qui se fait à certains moments. Alors, la même chose se fait dans notre développement de la conscience cosmique. Rendu au centre christique, quand le centre christique est bien éveillé, la conscience christique est éveillée, tous les autres commencent à s'ouvrir. Et c'est là que les glandes endocriniennes, ou les chakras, si vous voulez, commencent à agir, à vibrer, alors qu'auparavant, ils étaient lents. Alors, ces chakras-là existent véritablement. La chimie, ou la physiologie les étudie, la biologie plutôt, je dirais, les étudie sous forme de glandes endocriniennes, mais elles existent véritablement. Et les enseignements que l'on a donnés ici, les auxiliaires que l'on a recommandés, l'éveil de la glande principale, de la glande christique ou de la glande pinéale ici. Plusieurs qui l'ont subi ont relaté les résultats de ce jour-là. Les autres disent qu'il n'y a aucun moyen de décrire le phénomène qui se passe. C'est pas rien qu'un éveil de conscience, c'est pratiquement une deuxième naissance qui se manifeste. Alors, il faut concentrer sur cet éveil de cette glande-là, qui est véritablement l'œil christique, la glande christique, le troisième œil. Et quand cette glande-là est éveillée, toutes les autres vibrent. Votre champ magnétique, votre thorax, ni plus ni moins, se trouve à descendre jusqu'au tarse, au centre cardiaque, aussi bien qu'au plexus solaire. Et là, votre arbre de vie tout entier vibre de ces sept plans d'énergie qui se manifestent par le biais des sept planètes qui nous entourent, des sept plans de conscience qui nous entourent, et par le biais du Christ ou du soleil. Donc, le travail pratique consiste à réaliser que ce gestuel-là que l'on vous a recommandé d'éveiller le centre christique, il n'est pas sans raison. Il a pour but de mettre le feu à la mèche. Et quand ce gestuel-là est fait, le reste vient par surcroît. Parce que tout l'arbre de vie en subit l'effet bienfaisant. Tout l'arbre de vie, avec ses sept plans de conscience, ou ses sept chakras, comme on les appelle en hindouisme. Alors là, on peut dire que l'arbre de vie est véritablement des centres endocriniens. Alors ici, il y a une définition de la matière qui est écrite en majuscule, donc c'est important. Oui. La matière, c'est de l'esprit cristallisé. C'est ce que vient de préciser, monsieur. Oui. Okay. Ouais. Alors, afin d'apprécier la vérité de cette définition, l'étudiant doit reconnaître deux propositions fondamentales. Premièrement, qu'une unité cellulaire, corpuscule ou atome existe. Et deuxièmement, que pour cette unité cellulaire, une vibration proportionnelle à l'énergie qui lui est communiquée est reçue. Pouvez-vous nous expliquer ça? Voici. Les cellules sont des petits mondes en miniature. Elles sont capables de vie et d'action individuelle aussi bien que collective. Maintenant, dans l'infiniment grand, il y a des cellules de vie. La Terre est véritablement une cellule qui fait partie d'un grand plan de conscience qui est le système solaire. Mais il y a les mêmes modes de vie et le même cheminement de développement pour les grands êtres ou les planètes qui nous entourent qu'il y a pour les cellules de notre organisme ou pour les chakras de notre organisme. Alors, ce être humain, cet organisme humain est véritablement un petit monde, alors que le grand être, le grand tout, et ni plus ni moins le grand monde, comme on l'appelle le macrocosme. Mais il y a les mêmes lois qui régissent le comportement de notre organisme que celle qui comporte qui régit le comportement du grand tout. Alors, l'infiniment petit est fait à l'image de ce qui est en haut, possiblement. Alors, les mêmes lois régissent. Les vibrations sont essentiellement de deux espèces. Latérale, qui est un mouvement d'un côté à l'autre, et circulaire, qui est le mouvement d'un corps sur son axe. quand l'oscillation est communiquée à l'axe. Une unité cellulaire oscille ou vibre sur son axe. On pourrait comparer ça, quoique grossièrement, à une toupie que l'on fait gérer après avoir communiqué un mouvement de rotation. Tout d'abord, elle a un momentum assez violent et elle sera verticale. Mais si elle perd de son momentum, de son énergie de rotation, elle va commencer à osciller, n'est-ce pas? Mais elle va osciller dans deux directions. D'abord, elle va courber et à chaque courbature, elle fera un mouvement d'aller-retour sur elle-même. Hein? Bon, alors, tout organisme cellulaire, aussi bien que tout atome, tout ion, manifeste le même mouvement. On appelle ce mouvement nutritionnel. Et la vibration, la répétition de mouvement de cette chose-là détermine l'état d'esprit ou l'état d'être de cette entité-là, que ce soit un atome, un ion, un proton, un électron, ou bien que ce soit un monde, ça arrive dans les mondes aussi, hein? Dans le grand. Alors, c'est ce qui différencie ces sept plans qu'on a vu tout à l'heure, de la matière à l'esprit. Exactement. Là, c'est la fréquence nutritionnelle, oui. La fréquence nutritionnelle. Et ça revient à la définition que l'on donne tout d'abord de ce en quoi consiste l'esprit. L'esprit, c'est un mode vibratoire, c'est le mouvement. Moïse nous le dit, la vie est le mouvement. Hein? Bon. Alors, un mouvement de feu, un feu qui brûle sans se consumer. Et le feu est ascensionnel. Et toute vie, que ce soit une vie solidaire, une vie, ou bien une vie d'un grand soleil, c'est la même chose, c'est un feu en irradiation. Et nous, qui sommes des étincelles du brasier solaire, subissons les mêmes lois que ces grands êtres subissent. On éveille, on s'éveille graduellement à notre plein potentiel et on devient de plus en plus détenteur de cette énergie omnilatente que, faute de meilleurs termes, on appelle Dieu. Bon. Dieu, c'est donc le mouvement universel, c'est la vie et le but de tout enseignement, c'est d'éveiller la vie, plus de vie en nous, afin de vivre en plus grande abondance et de disperser, d'irradier la vie de plus en plus dans notre environnement. Alors, le but de tout cet enseignement, c'est de devenir de plus en plus détenteur de la force universelle que l'on appelle Dieu. Est-ce que cette fréquence nutritionnelle là permettrait, par exemple, que deux plans cohabitent, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut supposer que dans le plan physique, il y a sa vibration particulière, qui est certainement la plus basse, oui, pourrait coexister en même temps le plan astral ou le plan de la mort, autrement dit que les oui, morts seraient présents sur ce plan-là, mais absolument, qu'on ne les voit pas à cause de leur fréquence qui est plus rapide. Exactement. Ce serait ça? Exactement. Alors, un autre exemple qui est grossier, si vous voulez, mais qui se prête bien à notre illustration, c'est un éventail qui tourne. Hein? S'il tourne lentement, vous allez pouvoir voir les pales de cet éventail, n'est-ce pas? Hein? Peut-être lancer quelque chose à travers. Hein? Oui. Mais s'il tourne rapidement, vous ne le verrez pas. Vous verrez d'abord une nébulosité. Et la même chose s'applique pour le plan nutritionnel. Alors, la matière, excusez-moi, je me répète, c'est l'esprit ralenti, qui est un mode vibratoire ralenti, alors que l'esprit c'est vide très rapidement. Là, il devient imperceptible, sauf dans des conditions favorables. Et à mesure que l'on spiritualise notre nature, on devient de plus en plus capable de percevoir ces modes de vibration qui sont plus rapides. C'est ça, un clairvoyant, en fait. Un clairvoyant voit quelque chose que d'autres ne verront pas parce que lui-même... ne vibre pas au même degré. Alors, ce qui est d'augmenter son degré vibratoire, puisque la vie est une vibration, un mouvement perpétuel, on peut l'accentuer, ce mouvement-là. Alors, c'est précisément ça ce qui se passe. Tout plan ou dimension dans l'univers est différencié par la fréquence nutritionnelle de l'unité cellulaire. Quand il y a changement de la fréquence nutritionnelle, le caractère de base de la substance en considération change aussi. Elle ne change pas en différentes espèces de la même substance dimensionnelle, mais en un autre type de substance, caractérisée par un taux entièrement différent de vibration atomique. Oui, voyez-vous, c'est ce que l'on démontre, naturellement, dans le travail d'alchimie. L'alchimie en a intrigué plusieurs, surtout le travail du magistère de prendre une pierre inerte puis d'en faire un gaz subtil, un gaz radiant, comme du radium, ou bien l'électricité. C'est véritablement ce qui se passe dans le ballon. De la matière qui était d'abord lourde, on en a fait de l'électricité, une masse d'électricité que l'on a produite en y introduisant un mode vibratoire plus rapide. Mais c'est le mouvement que tout a dans l'univers. Ça part d'abord d'un état subtil, ça devient de plus en plus grossier. Et nous sommes, par notre enveloppe extérieure, grossier. Nous sommes faits de terre. Mais cette terre-là n'existera pas si nous avons imprégné d'esprit. Il s'agit donc d'éveiller l'esprit qui est en nous, ce mouvement vibratoire, de l'accélérer afin d'être conscient que l'on n'est pas ce que l'on semble. Aussi bien sur le plan corporel aussi. Dans certaines conditions, on peut se voir comme diaphane, on peut voir passer la lumière à travers nous. Ah oui. Parce que l'homme peut devenir diaphane. Le corps spirituel, c'est toujours le même corps, mais il est devenu tellement diaphane que l'on peut voir à travers. Quand il passe à travers un mur, il atteint les qualités de la lumière. Hein? Autrement dit, lorsque le Christ a réussi sa transfiguration, il a changé sa fréquence mutationnelle. C'est exactement ça. Ça, c'est la clé de tout, de toute alchimie, de tout. Oui. Autrement dit, il a fait vibrer toutes ses cellules à un autre taux vibratoire. Et à ce moment-là, il a disparu à la vue, mais il n'a pas disparu, lui, en fait. Non, pas du tout. C'est simplement que les sens... C'est la perception sensorielle de ce qui l'entourait. Comme la femme tout à l'heure. On cite le Christ parce que c'est lui qui l'a démontré le plus... Et là, comment? Mais tous les autres qui ont fait ça, tous les alchimistes qui ont fait ça, et les mystiques, les saints ont fait ça. Il y en a un très grand nombre. Si on fait de la géographie, l'étude des saints, ils ont tous manifesté ces qualités-là, de devenir perceptibles à un moment et invisibles quelques temps après. Changer leur nature vibratoire, leur mode vibratoire. Donc, ce qui explique qu'on peut voir des personnages comme le comte de Saint-Germain qui disparaissent, qui réapparaissent à différentes époques de l'humanité. Oui, justement, oui. Ils ralentissent leur fréquence ou bien ils l'augmentent. Exactement, oui. C'est comme par exemple prendre un bloc de glace qui est en jeu, visible, et lui appliquer de la chaleur, augmenter son mode vibratoire, vous en avez un gaz, hein, de l'éther. Et vous faites le mouvement contraire, vous contractez, alors ça devient de nouveau de la glace. Mais il n'a pas changé sa nature. Seulement que les molécules sont plus distancées dans l'éther, dans le gaz, que l'éther dans le bloc de glace. Mais c'est la même chose. On peut faire les deux conversions. Il y aurait un hindou aujourd'hui qui aurait réussi ça aussi, qui s'appelle Babaji. Babaji, vous avez parlé de ça? Babaji, oui. Ah oui, Babaji. Et ses deux disciples, Yukteswar, Zahirima Asaya, tout cela. Il y en a trois ou quatre autres que l'on a révélés dernièrement aussi. Mais Babaji, c'est un exemple, ça. Ouais. C'est dans ces plans hyperphysiques de vibrations atomiques que des personnes vivantes ou décédées peuvent se projeter sous des circonstances qui réfléchissent l'opération de la loi naturelle. Quand l'étudiant est capable de maîtriser ses mouvements à l'intérieur des quatre premiers plans qui lui sont disponibles, est-ce que ça veut dire les quatre premiers plans qu'on a cités tout à l'heure sur le tête? Ok. Maintenant, voyez-vous, tout le monde, plus ou moins, dans certaines circonstances, ont été témoins de choses phénoménales comme ça. Il y en a qui ont vu apparaître des gens qui étaient disparus, qui étaient décédés. Bon. Alors, ils n'osent pas en parler, ils croient que c'est à dénubier. Mais tous, plus ou moins, à un moment donné de leur vie, ont eu des phénomènes comme ça qui leur sont arrivés. Alors, on constatait que des personnes décédées, soi-disant, disparues complètement, leur sont apparues. Surtout, il y avait affinité spirituelle ou émotionnelle entre ces gens-là. Alors, des phénomènes d'apparition, c'est courant à travers le monde entier, ça l'a toujours été. Mais les sociétés de recherche psychique n'ont pas très bien compris, ils ont mis ça sur un domaine à part. Mais il n'y a pas de ligne de démarcation entre ces phénomènes-là et les phénomènes physiques que l'on produit dans le ballon. Dans le ballon, on peut avoir du vide, absolument vide. Mais seulement, ce ballon pèse la même chose qu'il pesait quand on avait de la matière dedans qui pesait un kilo. J'ai un ballon qui tient un kilogramme. Alors, il y a de la matière dans ça, exactement 2 livres, ou environ 2 livres. Et après y avoir subi l'énergie du feu, ça disparaît, ça devient un gaz invisible. Mais il pèse encore 1 kilo, hein? Du vide, l'invisible pèse 1 kilo. Or, l'esprit pèse, hein? L'esprit est lourd, qu'il soit visible sous forme de glace ou bien de matière, hein? Ou sous forme invisible, mais il pèse encore. Alors, l'être, qu'il soit sur le plan spirituel ou que sur le plan matériel, conserve toujours son être-té véritable. Alors, quand l'étudiant est capable de maîtriser ses mouvements à l'intérieur des quatre premiers plans, donc ça veut dire de la matière, de l'éther, de la lumière et de l'intelligence, c'est ça, les quatre premiers plans, matière, éther, lumière, intelligence, qui lui sont disponibles, il vit au-delà de la mort et de la réincarnation et ouvre son intelligence à toute connaissance atteignable à la conscience humaine. C'est parce que maintenant, l'individu qui a subi ce changement-là, est devenu maître de tous ces plans-là. Et chez soi, à l'aise sur tous les plans. Et je dirais qu'on pourrait le terme amphibie, mais en réalité, il est aussi à son aise sur le plan spirituel, invisible et perceptible par les autres, que sur le plan purement matériel. Alors, c'est ce que l'alchimie a toujours, s'est toujours efforcée d'enseigner en ayant recours au magistère minéral pour prouver que de la matière visible, tangible, est grossière et lourde, peut devenir quelque chose d'invisible temporairement, mais qui va redevenir de nouveau de la matière après avoir subi une transmutation. Alors donc, il y a possibilité de vivre au-delà de la mort et de la réincarnation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, c'est ça que ça veut dire, oui. La réincarnation, c'est justement la résolidification de l'ego. C'est ça. Se réincarner, c'est se résolidifier de nouveau. Ouais. Donc, on change de fréquence mutationnelle, oui, même exactement. Au moment de la mort et de la réincarnation. Oui, exactement. Et ouvre son intelligence à toute connaissance atteignable à la conscience humaine. Comment justement, ça se fait? Parce que oui, c'est par le biais de l'intelligence que l'on peut concevoir cet état de choses-là. Et quand on l'a réalisé, mais l'intelligence est tellement illuminée, parce qu'il fait partie de la lumière maintenant, qu'il n'y a plus de mystère dans le cosmos, dans l'univers. Il y a deux plans de manifestation, le plan visible, grossier, et le plan subtil que l'on ne perçoit que par l'intelligence. Mais il n'y a pas de ligne de démarcation entre les deux. Ils se fusionnent, et c'est rien qu'à cause de l'infirmité de nos sens que l'on voit ces deux plans qui sont ce qu'on appelle communément matière et esprit. On peut dire donc que l'intelligence se situe à un point équidistant entre la matière et l'esprit. Exactement. C'est le pont entre les deux. C'est le pont, elle fait le pont, oui. Ouais. Considérons un exemple de changement mutationnel. Nous avons dans notre monde physique trois espèces de formes prises des éléments chimiques, nominalement les solides, les liquides et les gazeux. Nous avons ces mêmes éléments dans la forme du fer, du plomb, du mercure et du nitrogène. Ceux-ci sont tous des substances physiques, visibles ou invisibles, avec ou sans forme, mutationnant à la même fréquence, mais sujets à différentes vitesses de rotation. Si la fréquence mutationnelle d'un élément chimique quelconque allait être altérée, mais non sa vitesse rotationnelle, elle cesserait à ce moment même d'être soit un solide, un liquide ou un gaz. Au fait, elle disparaîtrait comme matière et réapparaîtrait sur un autre plan d'existence comme substance d'une autre dimension. Exactement. Oui, elle sortait de plan de manifestation. On peut concevoir de la matière en mouvement. Un son, par exemple. Alors, du son, c'est de la matière. Pour me le prouver, je pourrais prendre une plaque de verre sur laquelle je déposerais un peu de sable fin ou de farine, et avec un instrument quelconque, un cornet, disons, je souffle, je donne un son. Alors, cette matière que j'ai déposée sur ma plaque de verre va prendre une forme quelconque. Vu que la musique se donne par forme octagonale, la loi de l'octave, alors mon sable prendrait une forme octagonale. Ce sera un dessin à huit faces, un cristal à huit faces. Alors, je n'y ai pas touché. Et ce que j'ai communiqué, c'est quelque chose d'invisible. Hein? C'est un son seulement. Mais le son, je dis que c'est de la matière en vibration. Alors, tout est en vibration. Dans le son, c'est une vibration libre. Et elle va immédiatement affecter quelque chose qui est déjà psychoplastique. C'est hein? pour ça qu'on dit qu'au début, était le verbe. Le verbe, c'est le son. Oui, le verbe qui s'expose par s'exprime par la parole. Mais quand je lis une phrase comme celle-ci, là, elle cesserait à ce moment même d'être soit un solide, un liquide ou un gaz. Au fait, elle disparaîtrait comme matière et réapparaîtrait sur un autre plan d'existence, comme substance d'une autre dimension. Ça me fait penser au phénomène des trous noirs. Est-ce qu'il y a une relation entre oui, ça? Oui, justement, on appelle ça du plasma, on appelle ça... ce n'est pas du néant, non. Mais on a tendance à dire que c'est la négantropie. Hein. Mais c'est toute la matière qui est absorbée dans un trou noir. Quelle est absorbée? Mais aujourd'hui, les physiciens commencent à penser qu'il doit y avoir un trou blanc de l'autre côté, un autre entonnoir où l'énergie est redistribuée. Et... Justement, c'est une hypersphère. On peut avoir un hypercube, un hypersolide, mais une hypersphère aussi. Mais la matière peut se manifester comme plasma. Hein? Et ce trou noir, c'est simplement une matrice de matière. Un réceptacle de matière, véritablement. Mais quand les physiciens de la news de Princeton, par exemple, parlent de, du monde imaginaire. Est-ce que ce serait cet autre côté de la matière, une fois qu'elle est passée à travers le trou noir? Justement. Ce serait donc le monde imaginaire. Le monde imaginaire. Mais c'est l'image du monde. C'est l'image du monde. Le prototype du monde. Le prototype de la matière. Le monde d'idéation. Oui. Un plan que je fais pour une maison existe en réalité. Hein? On n'a qu'à y ajouter de la matière et du mouvement. Alors, il existe déjà. On peut détruire la maquette, mais le plan dans le cerveau de l'architecte existera toujours. Alors, il ne s'agira que de rassembler la matière pour qu'il y ait une existence concrète. Alors, le trou noir, c'est précisément ça. Mais ce n'est pas la négation de distance ou de l'existence. Hein? C'est comme un peu un recyclage de la matière. Exactement, oui. Conséquemment, quand l'unité cellulaire subit une mutation de manière à ce que nous en soyons conscients, si nous pouvons l'exprimer ainsi en traitant en termes d'énergie pure, elle est dans un état d'existence que nous appelons esprit. Cette énergie n'est pas électrique, magnétique, thermique, mécanique ou sous aucune autre forme connue de la science physique. Elle dépasse tout ça. On ne saurait mieux la décrire que comme la puissance qui soutient l'univers, ou cette puissance qui est l'essence vitale élevée à son plus haut potentiel possible. Ce n'est pas Dieu dans le sens que Dieu est un esprit, c'est plutôt l'esprit qui confère à toute substance son mouvement, la puissance de se mouvoir, d'évoluer, d'aspirer. Si on allait dire quelle est la nature ultime du cosmos, de l'univers, on dirait que c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vibration, traduit en termes de physique, ce serait de la vibration. Et la vibration, c'est le verbe. Hein? Mais que veulent dire les initiés quand ils disent, par exemple, que Dieu est à la fois un mouvement et un repos? Je pense que c'est le Nazaréen qui dit ça dans l'Évangile de Thomas. Quand le mouvement atteint son maximum d'intensité, il n'est plus perceptible. Je prends l'illustration de mon éventail de nouveau, il semble être en repos quand il est en mouvement rapide. Hein? Oui. Alors, la vie est un mouvement et un repos. Hein? Alors que c'est le cycle, la rotation, la révolution, puisque tout est spiralique ou dans l'univers. Alors là, on comprend le contraste qui peut exister entre ces deux choses-là disparaître. Hein? Alors le mouvement, quand il est accéléré à son maximum, devient du repos, est imperceptible. C'est pour ça que l'espace qui est du mouvement est imperceptible, on l'appelle du vide. En réalité, il n'est pas. Mais le mouvement est cessant. Quand la fréquence mutationnelle de l'unité cellulaire fonctionnant comme esprit est ralentie à son point d'activité le plus bas, le résultat est de la matière. Quand la matière subit une mutation à son plus haut point d'activité, le résultat est de l'esprit. L'esprit se coagule en matière par une chute de vibrations mutationnelles. Tout comme l'eau se coagule en glace par un abaissement de température, et la matière s'évapore en esprit par une augmentation de vibrations mutationnelles, tout comme l'eau s'évapore en vapeur invisible et sans forme par une élévation de température. Cette analogie pourra aider l'élève à visualiser la nature du processus de transmutation. Et voici, c'est à ça que l'on vise, n'est-ce pas? Au tout début de cet enseignement, on nous parlait de la loi de précipitation. Comment accélérer l'avènement dans notre vie de conditions désirables, souhaitables? On nous disait qu'il s'agit de visualiser, d'imager une condition qui sera idéale pour nous-mêmes aussi bien que pour notre environnement. Ce n'est plus moins concevoir ce qui précède la naissance, n'est-ce pas? Un état de choses qui, à force d'y introduire l'élément de vie, notre désir de réalisation, deviendra une réalité tangible. Je fais une image mentale quelconque. Tôt ou tard, je voudrais la réaliser, soit la dessiner, ou bien soit en faire une maquette, ou bien soit prendre la matière puis en créer, la créer, ou bien faire le plan ultime que j'avais conçu. Alors, ça part par l'esprit, une conception, en passant par le biais de la matière, ensuite la réalisation. Si maintenant, on pratique cette chose-là de précipiter, de visualiser dans des choses bien simples, des petits gestes quelconques, on réalisera qu'on peut le faire dans des grandes circonstances aussi. Changer, transmuer notre vie complètement, en vivant sur un plan supérieur à celui dans lequel on se trouve présentement. Et quand on a appris ce cheminement-là, ben, on peut contrôler notre vie parce qu'on travaille avec l'esprit et l'esprit travaille pour nous. La formule que l'on avait donnée, c'était le désir d'une situation quelconque, plus la concentration, plus la suggestion, égale la réalisation. Et le maître psychologue de tous les temps nous dit, quoi que ce soit que vous désiriez, quoi que ce soit, quand vous priez, sous-entendu quand vous concentrez, croyez que vous le recevez, et vous le recevrez. Alors cette formule-là, croire qu'on le reçoit, c'est l'équivalent de faire une suggestion, de subir une suggestion ou une auto-suggestion. Quand on se croit en possession d'une chose, on vit cette situation-là. Et quand vous avez réussi, pour un moment donné, une fraction de seconde seulement, à vous croire en possession de ce que vous désirez, après l'avoir bien visualisé, bien corrigé votre image mentale, là vous pouvez abandonner, vous dire, là je crée, j'ai rien qu'attendre le processus de gestation qui se réalisera ultimement. Et quand vous aurez réussi à vous, je dirais pas vous décevoir, mais vous croire en possession de la situation désirée, ne pas abandonner, dire très bien. Alors, l'espace est enceint de l'image que j'ai conçue et elle va se réaliser. Un très grand nombre ont réussi ça, pour des choses bien insignifiantes, même puériles parfois. Alors, ça a été tellement étonnant qu'on dit, si je peux le réaliser pour l'obtention d'un petit objet quelconque ou bien d'une situation quelconque, je peux réussir pour améliorer tout le cheminement de ma vie. Ça, c'est la première loi que l'on enseigne, la loi de précipitation ou de visualisation ou de création. Le terme qui correspond mieux, ce sera c'est comment créer par la force de notre pensée. Alors, parce que la pensée créée pour nous, il faut d'abord se servir des fantasmes visuels, créer des images mentales, les produire, les reproduire pour en imprégner l'espace ou l'hyperespace et notre subconscient de manière à ce qu'il réalise pour nous les choses que l'on lui aura communiquées, dont on l'a remise enceinte, pour ainsi dire. Alexandre, au tout début de la création, il a fallu donc que l'esprit s'incorpore, qu'il prenne un corps, une matière, la nôtre. Oh, définitivement. Donc, il a fallu que l'esprit abaisse sa fréquence vibrationnelle, la ralentisse. Oui. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on dit que l'esprit est emprisonné dans la matière. Exactement. En fait, parce qu'il a si tout déjà dit. Ce ne sera pas impie de dire que l'homme est un Dieu ralenti. C'est Dieu ralenti dans le mouvement, dont la vie est ralentie dans l'homme. Donc aujourd'hui, on est en possession donc, de cette fréquence mutationnelle ralentie, là, l'esprit, qui ne demande qu'à revibrer à son propre taux vibratoire. Puis tout enseignement, toute discipline initiatique vise à ça, accélérer notre mode vibratoire de manière à ce que l'on devienne tel que l'on était avant qu'on soit expulsé du grand tout. Et on serait justement à la jonction maintenant de la période involutive et évolutive de la remontée maintenant de la fréquence mutationnelle vers l'esprit. Et parce qu'elle disait que Dieu c'est l'homme de la terre et l'homme c'est le Dieu du ciel. Hein? Alors. Et on dit en ésotérisme, en tout cas en théosophie, que la dernière race, la septième, on est la cinquième aujourd'hui, est appelée justement celle de l'homme-esprit. Ça veut dire que l'esprit aura réalisé, il aura élevé en même temps la fréquence mutationnelle du corps humain, probablement. Puis, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de corps en contraste avec l'esprit. L'esprit sera corporifié et inversement, le corps sera spiritualisé. Ce sera un seul élément unique. Alors, ce sera peut-être que la trinité des trois matières, ou des trois aspects de la matière, des trois aspects du grand tout. Ouais. Alors, tout dans l'univers doit avoir une triple nature pour exister, corps, âme et esprit, mais là, formeront un tout. Alors, l'enseignement théosophique est précis dans ce domaine-là, que la race à venir, ou même, il y en a déjà des précurseurs dans ceci, réaliseront cette trinité-là, l'homogénéité des trois aspects de leur être. Pensez-vous qu'on a été au plus bas maintenant de l'involution? Nous sommes véritablement au nadir de la matière, de la matérialité. Et notre destin, qui se réalise très rapidement, c'est d'atteindre le zénith. Donc ça va être une mutation, un changement radical à ce moment-là? Oui, radical. Puis il se manifeste à plusieurs endroits. C'est l'esprit qui va déclencher cette fréquence mutationnelle? Justement. C'est lui qui va déclencher. C'est là que notre... C'est pas tellement les efforts de l'ego qui peuvent faire quelque chose? Non, l'ego peut simplement s'ouvrir, être disponible à ça. Mais l'esprit s'impose, Comme nous l'avons déjà appris lors de la première leçon, la substance est de l'énergie précipitée et la richesse est du service précipité. Notre définition de la matière confirme cette vérité. Seulement maintenant, nous apprenons que cette transmutation est gouvernée par un changement dans la fréquence mutationnelle de l'unité cellulaire. Comment l'homme peut-il altérer la fréquence mutationnelle est une question dont la réponse devra attendre jusqu'à la libération d'enseignements plus avancés. Oui, un peu plus loin, on parle de la loi d'initiation, n'est-ce pas? Qui est la loi de transmutation aussi. Hein? Mais la transmutation se fait sur un plan binaire. Alors là, quand on... dans l'enseignement théochristique, il y a de la matière là-dessus, il y a une leçon. Certainement, oui, la leçon suivante traite pas exactement ça. Comment subir un mode vibratoire que l'on n'avait pas subi auparavant, qui nous permet de se transmuer et d'agir avec plus d'efficacité sur la matière. Alors, c'est par le biais d'un partenaire, quoi, que l'on peut réaliser la présence de cette énergie quand on la libère. Alors, cette énergie-là, c'est le catalyseur de toute énergie, de toute transmutation. Et alors, la leçon suivante, le texte suivant traitera justement ça, de la transmutation et de la matérialisation des forces spirituelles, par le biais des deux participants. Est-ce que c'est dans le cahier numéro 4 ou dans le 3? Le cahier numéro 3. Numéro 3. Ouais. Le point important dont on doit maintenant se souvenir est ceci. Quand l'homme sert, il remplit une fonction spirituelle. Et quand il utilise les effets précipités de cet accomplissement, il remplit les exigences de son existence matérielle. Ces deux fonctions doivent être considérées de nature complémentaire et simultanée en opération, car l'une sans l'autre est à la fois impossible et sans valeur. Par conséquent, la matière et l'esprit sont deux manifestations de l'unité cellulaire en différents modes de mouvement, la matière étant la forme de vibration la plus basse et l'esprit la plus haute, par laquelle la cellule peut exister dans l'univers. L'une fournit l'explication de l'autre. La précipitation de la matière sous forme chimique est le résultat d'une application de l'énergie spirituelle, et l'application de cette énergie remplit un service dont la valeur est proportionnelle à la magnitude de la création impliquée. Bon, merci. Ces phrases-là ont l'air bien énigmatiques. Mais si on s'en imbue, si on s'en sature, viendra un moment qu'on dira « Ah, je comprends ce que ça veut dire ». Parce qu'il y a des états d'esprit parfois dont on n'est pas toujours le maître qui s'empare de nous et dire « Enfin, je comprends comment ça se fait. Je n'ai pas compris auparavant. » Alors, ces phrases-là, justement, se révéleront dans toute leur beauté par la suite de dire « Ah, enfin. » Mais il y a un temps pour cela. Oui, il y a un temps. Ouais. Et on ne peut rien faire pour non, ça. Non, non, non. C'est un peu comme si on veut prendre un café au lait sucré. On va mettre un sucre dedans et on va être obligé d'attendre qu'il fonde si on veut le boire sucré. Forcément, c'est la durée, ça. Il faut qu'il atteigne sa saturation, oui. Et qu'est-ce qui fait cette durée dans l'homme, qui fait que ce n'est pas le temps ou que c'est le temps? Sa prédisposition naturelle, parce que toute entité cellulaire diffère de qualité, et l'entité cellulaire s'applique au cerveau aussi. On dit en occupance avec rapidité, évanescence, et d'autres pensent lentement. Mais que ce soit lent ou rapide, la cogitation a toujours son effet. Autrement dit, c'est encore un problème de synapse, peut-être? Possiblement, oui. De communication entre neurones. Oui, puis la qualité du participant. Par exemple, derrière la création de notre système solaire repose un service de valeur incommensurable, plus grand. Les serviteurs qui lui ont donné existence. Et derrière tous les grands serviteurs est le serviteur initial que le monde se plaît à appeler Dieu. Cependant, en réalité, il est seulement la plus haute personnalité qui manifeste la déité dans ce système stellaire. Voici, Voltaire nous a bel et bien dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais que l'homme lui a rendu le réciproque, qui a créé son Dieu ou ses dieux à son image, c'est-à-dire selon sa compréhension de Dieu. Le sauvage s'est fait un totem, c'est son Dieu qu'il vénère. Autrement dit, c'est une projection sublimée de la personnalité ou de l'ego. Oui, la personnalité, tout ce qu'il y a de plus subtil, de plus désirable. De l'âme. En théologie, on dit qu'il y a deux voies d'accès à Dieu, la voie d'excellence ou la voie d'élimination. Tout ce qui est désirable pour l'homme, on l'applique à Dieu. Tout ce qui est méprisable, on l'élimine de lui. Mais ce sont des créations anthropomorphiques. Alors, cette déité, est inconcevable. On ne peut jamais la définir. La définir, ce serait la limiter, et elle est sans limite. Alors, c'est le grand tout, et au-delà de ça, on ne peut pas penser ni ajouter un mot. Qu'est-ce qu'on appelle un démiurge? Démiurge, c'est une force succédanée, une force secondaire qui, en présent, les ambassadeurs du Très-Haut sont des démiurges. Urgos, qui voudrait dire énergie, l'énergie secondaire, disons l'énergie secondaire. Les entités ou l'énergie qui travaillent à la création. À la création, justement. Ce sont des démiurges. Des démiurges. On va prendre tous les chérubins, les séraphins, les chérubins, les anges, les archanges, sont des démiurges. Hein? On dit à 7 cœurs d'anges, ou 7 cœurs d'ambassadeurs qui régissent. Alors, ce sont des points équidistants entre le mouvement initial et la création finale. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Lachance. Merci. Merci, Valérie. Je vous recommande bien d'écouter ces cassettes et de vous en saturer. Il y a quelques moments où on peut les écouter jusqu'à ce que ça se passe. Alors, période de questions. Alexandre Lachance, pourriez-vous donner plus d'informations concernant la nature des énergies que décèlent les sept planètes? Voici. Chacune des planètes sont émanées du Soleil, tout comme les satellites émanent des planètes. La Lune, par exemple, est émanée de la Terre. Phobos et Déimos sont émanés de Mars, quoiqu'on prétend que l'une des satellites de Mars est artificiellement créée. Mais c'est le cheminement que les êtres font. Ils se reproduisent chacun à leur image et à leur ressemblance. Alors, en progression, en partant des planètes intérieures, nous avons Mercure, puis Vénus et Terra, la Terre. En dessous de ça, vous avez Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Alors, il y a sept plans de conscience, il y a sept planètes comme ça qui font partie du système solaire. Les autres ont été surajoutées. Par exemple, Vénus a été surajoutée quelques mille ans, quelques 2100 ans avant Jésus-Christ. Elle faisait partie d'un autre système. Et semblablement, Pluton faisait partie d'un autre système solaire. Mais dans le moment, on en considère sept comme étant importantes à notre cheminement. Parce qu'on a sept centres de transmission d'énergie dans l'arbre de vie. Nos sept chakras, nos sept centres endocriniens. Alors, ces planètes-là, ce ne sont pas des masses de matière qui nous communiquent leur énergie respective à mesure qu'elles tournent autour de nous. Elles sont comme tout ce qui existe dans l'univers, corps et homme et esprit. Et leur animation respective, selon leur degré, leur qualité, se communique à mesure qu'elles circulent autour de nous. L'astrologie, ou plutôt l'astrosophie, qui est la science qui a précédé l'astrologie proprement dite, a étudié ça depuis longtemps, depuis plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Alors, traite de cette science qui consiste en déterminer la qualité de l'énergie qui prédominera dans notre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré qu'on a corrompu cette science-là, que les astrologues peuvent déterminer quel est notre héritage ancestral. Ce qu'ils nous révèlent, en faisant notre horoscope, comme ils l'appellent habituellement, notre plan d'activité, le graphique de nativité, c'est simplement des prédispositions que l'on peut avoir grâce aux énergies qui ont prévalu avant notre naissance. Un bon astrologue, ou astrosophe, je devrais dire, devrait calculer non seulement l'horoscope d'un individu d'après sa date de naissance, mais d'après sa date de conception. Parce que l'embryon, le fœtus, l'être qui va naître, est influencé astralement à partir du moment où il a été conçu. Alors, les plans de conscience ou les planètes, chacune selon leur qualité, influencent non seulement notre comportement, mais aussi nos prédispositions. Ça, c'est la nature des plans de conscience qui nous entourent. On a toujours pensé avant que c'était simplement des masses de matière, pareil comme n'importe quelle autre chose en circulation. Mais il n'y a rien d'inerte dans la matière, dans l'univers. Alors, ces plans de conscience-là, ces planètes-là, sont des êtres de lumière, des êtres d'énergie, et nous communiquent leur énergie respective. Que ce soit Mars, l'agressivité, la combativité, l'ardeur de vigueur, etc. Ou que ce soit Vénus, ou que ce soit Mercure. Mercure nous communiquera la souplesse de pensée, la subtilité. Alors que Saturne, l'esprit pratique, etc. Alors, ces êtres-là, ce sont nos auxiliaires. C'est ceux qui poursuivent, qui nous aident à poursuivre notre cheminement à travers la vie. Alors là, il y a deux questions concernant le développement du troisième œil. Oui. Si on apprend à ouvrir le troisième œil, est-il nécessaire d'apprendre aussi à le fermer à volonté? Si oui, par quels moyens? On ne ferme pas le troisième œil, parce qu'on voit même à travers nos pupilles, dans ce sens-là. Il y a bien des gens qui disent, moi, je vois mieux les yeux fermés que les yeux ouverts. Le troisième œil, il opère surtout sur le plan psychique, sur le plan éthérique. Hein. Alors, c'est celui qui opère le plus efficacement quand on a fermé les deux jours des yeux, quand on s'endort, n'est-ce pas? On a les yeux fermés, mais les images mentales que l'on entretient, ou celles qui nous sont communiquées par ceux qui pensent à nous, alors, sont tellement vivaces qu'on en répond pour des réalités. Alors, cet œil-là voit dans les ténèbres. Hein? Alors, on ne peut pas le fermer. Dès qu'on ferme les deux autres yeux, lui commence à fonctionner avec plus de vigueur qu'auparavant. Alors, c'est cet œil qui guide l'homme à travers tout son cheminement dans la vie. Il nous fait voir des images mentales, nous aide à créer des images mentales. On l'appelle l'œil christique, c'est pas sans raison, parce que c'est le soleil qui l'alimente par le biais du plexus solaire. Et quand on l'a éveillé, qu'on l'a stimulé par un moyen artificiel quelconque, celui qu'on a préconisé depuis quelque temps, c'est celui de stimuler la glande pinéale ici. Alors, cet œil-là vient tellement radiant que l'on voit tout notre champ magnétique. Et on peut voir très bien, les yeux fermés, dans cette condition-là, quand il est éveillé, quand il fonctionne, aussi bien que quand on a les yeux ouverts, même mieux, j'ose dire. Parce que quand on a les yeux ouverts, on est dérangé, distrait par notre ambiance immédiate. Tandis que les yeux fermés, on peut voir tout ce à quoi l'on pense, non seulement le voir, mais venir à un moment où l'on se croirait en possession de ces choses-là. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la formule de précipitation ou de visualisation qui consiste à se croire véritablement en possession de ce que l'on visualise, de ce que l'on image, que l'on imagine. Alors cet œil-là est tout-puissant. Il crée, c'est un œil créatif, créateur. Alors, dès qu'il est éveillé, dès qu'il est stimulé par le via de l'huile christique ou bien une irritation quelconque. Dernièrement, on a vu un nommé Lobsang Rampa qui nous a décrit sa propre ouverture du troisième œil par une perforation du crâne, hein, avec du bambou, je pense, des tiges de bambou. Autrefois, les anciens développaient la pituitaire au lieu de la pinéale. Ils faisaient une trépanation. Certains prêtres bouddhiques font encore ça. Ils s'ouvrent le crâne ici pour que cette glande-là fonctionne aussi bien que celle-ci aussi. Certains prêtres ont encore la tonsure. Hein? Autrefois, les prêtres avaient la tonsure. Je ne sais pas si ça existe encore. Hein? C'est un vestige de la coutume que les anciens Égyptiens avaient de toujours tenir le crâne ouvert afin qu'ils puissent subir l'insolation et penser solairement, avec plus de vigueur. Alors, ce troisième œil, dès qu'il est ouvert, il reste ouvert, il n'y a pas d'erreur. C'est un sens, c'est pas rien qu'un œil, c'est un sens, véritablement. Et quand un sens est développé, il n'est temps qu'à se développer davantage. Alors, si vous sentez l'ouverture de ce œil-là, soyez sûr que ça va être cumulatif, que ça va continuer à arriver. L'imposition de l'huile radiante, la chrysopée ici, à ce point-là, une ou deux fois, c'est assez pour vous en rendre conscient indéfiniment par la suite. Et l'exercice que l'on peut faire de se faire rebusser les lobes oculaires pour garder intérieurement ici entre les deux yeux, c'est suffisant pour développer, dans bien des cas, développer ce troisième œil, assez de stimuler pour qu'il fonctionne. Il fonctionne quand vous êtes bien au repos, vous êtes bien étendu. Juste avant de vous endormir ou juste en vous réveillant à ce moment-là, avant de subir des impressions immédiates ou d'avoir cessé d'en subir. Alors, cet œil-là fonctionne dans la période qu'on appelle hypnagogique, qui précède le sommeil immédiatement ou qui suit le sommeil. On voit des fantasmes parfois, des visions. Hein? Alors, ça, c'est quand cet œil-là, et quand les deux autres yeux sont fermés, alors c'est celui-là qui fonctionne. Hein? Mais dès qu'il est éveillé, soyez sûr qu'il va se développer de plus en plus. Ça, c'est inévitable. Pour les personnes qui sont intéressées aussi pour le détail de ces techniques-là, je vous rappelle que Raphaël Payeur a fait hier soir une conférence là-dessus, qui s'est enregistrée sur cassette. Il y a donc deux cassettes de toute la technique rosicrucienne augmentée de son propre savoir à lui, qui ont été enregistrées hier soir sur le développement de ses pouvoirs psychiques. Une dernière question, pouvez-vous nous parler plus en détail de Babaji? Oui, Babaji, c'est un avatar hindou venant de Madras. Il vivait, c'est-à-dire qu'il était en circulation surtout au 14e siècle, n'est-ce pas? Alors que Shankara Chaira circulait à Madras. Hein? Alors on l'a vu tout dernièrement, c'est-à-dire en 1959, je pense, lors d'une méla qui a eu lieu là, à Madras, justement. Alors il date du 14e siècle. Il était contemporain de Shankara Chaira, ouais, et de Gaudapada. Ouais. Alors, ce sont des avatars. Ouais. Alors, c'est comme s'il y a la même qualification que notre maître ici. Hein? Ouais. Alors, Babaji qui veut dire papa bien-aimé. Hein? Papa bien-aimé, Baba, c'est papa. On appelle Alexandre Babaji. Babaji, patriarche. Patriarche, oui. On dit de Babaji qu'il ne fait pas d'ombre. Ben voici, c'est un être de lumière, naturellement. C'est un être de lumière, c'est-à-dire qu'il a tellement développé son être-té véritable qu'il est devenu diaphane. Voyez, c'est pas un cas unique, hein. On a parlé de bien des saints comme ça qui ne projettent pas d'ombre. Ouais, ça, c'est dans, en tant qu'on faisait de la géographie. Alors, on disait ce qui caractérise un saint ou un homme qui est assaini, qui est dépourvu de la grossièreté de sa matière, qui devient diaphane. Oui, Babadieu, on a dit ça à son sujet, puis au sujet de bien d'autres aussi. Parce que l'homme est véritablement un être de lumière, engrossé dans la matière. Et si succéder sa matière, bien, il devient translucide. Ouais. Alors, on continue donc cette leçon. On a dit que la matière, c'est de l'esprit cristallisé. Oui. Afin d'apprécier la vérité de cette définition, l'étudiant doit reconnaître deux propositions fondamentales, qu'une unité cellulaire, corpuscule ou atome existe, et que pour cette unité cellulaire, une vibration proportionnelle à l'énergie qui lui est communiquée est reçue. Bon, ça c'est un petit résumé là. Oui. Et on va reprendre maintenant à la deuxième proposition, l'esprit est de la matière énergisée. Exactement. Bon, alors, on va prendre un clou ordinaire, fait de métal quelconque. Fais-tu subir une charge électrique, un courant électrique. Alors, immédiatement, il s'attire quelque chose qui serait de même nature, alors qu'auparavant, il est inerte, ou apparemment inerte. Hein? Alors, pour, je veux dynamiser ou magnétiser un tout, une barre de fer quelconque, on peut faire des aimants artificiellement. Alors, on prend le risque de brûler le fioul, mais on lui fait subir un courant électrique. Alors, ça justifie cette formule-là. L'esprit est de la matière énergisée. Un aimant, quelque chose qui attire, bon, alors c'est un métal qui subit une charge d'énergie. C'est exact. Hein? Alors, ça s'applique à tout dans la nature, ça. Et un homme qui est initié, c'est-à-dire ignitié, ignifié, j'emploie le terme-là, ce qui a subi cette charge d'énergie, d'énergie spirituelle. Alors, il y a la propriété d'attirer tout, des choses qui viennent d'un plan supérieur. Alors, l'homme n'a pas changé, mais il est détenteur maintenant d'une forme d'énergie qu'il n'avait pas auparavant. C'est-à-dire comme le clou, le morceau de fer, est maintenant détenteur. Puis, visiblement, on ne voit pas la différence. On prend un aimant, puis un autre fer, un morceau de fer de même nature, même forme, il n'y a pas de différence. Mais seulement, on verra la différence selon l'effet qu'il aura sur la matière environnante. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'inscription au-dessus de la croix, « Igne natura » Oui, voyez-vous, oui. Oui, les gens ne soupçonnent pas quelle est la valeur scientifique et ésotérique de cette chose-là. Igne, qui est l'ablatif du mot ignis, qui veut dire feu, n'est-ce pas? C'est par le feu. Igne, natura, renovateur, etc. C'est par le feu sacral ou le feu sacré, que la nature est rénovée ou restaurée à son état originel. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est le cycle de la croix, ça, il y en a plusieurs autres, mais en alchimie, on dit, on prend une formule qui correspond également. Hein. Intra natrum reum in veniel. Tu vois, c'est dans le rosé que tu ouvres le nitre, hein? C'est ce qu'on a mis en pratique. Hein? Alors, il y a ce plan d'interprétation sur toutes ces choses ésotériques-là. Hein? Et votre huile christique, elle est magnétique aussi? Oh, définitivement. Ça veut dire que c'est de l'esprit, ou comment est-ce que ça... Bon, l'esprit, c'est de la matière énergisée, donc... De la matière énergisée. On dit qu'elle est radioactive, qu'elle est radiante. Exactement. Prenez le radium, c'est de la matière, ce sont des cristaux, hein, énergisés. Ouais. Oh, un aimant, c'est l'exemple le plus grossier, puis le plus apte pour décrire ça. C'est un morceau de fer ordinaire, puis un morceau de fer qui a été énergisé, hein. Alors celui-là a subi une charge d'énergie. Et un homme qui a subi cette charge d'énergie, alors il est différent, ça va différer, parce qu'il s'attire du plan astral, une influence qu'il n'aurait pas auparavant. Savez-vous qu'en parapsychologie, ils ont constaté dernièrement que la majorité de tous les médiums psychiques là, qui produisent donc des phénomènes comme la télékinésie, déplacement d'objets à distance, etc., ont été électrocutés dans leur jeunesse. Avez-vous entendu ça? J'en ai entendu parler. Jacques Berger a parlé de ça. Jacques Berger a parlé de ça. Et ceux qui ont eu contact avec les extraterrestres ont subi ça aussi. Vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? Bon. Alors, c'est une charge d'énergie. Ces gens-là, ils mettent une énergie radiante, une énergie supérieure à celle que l'on détient normalement. Alors, celui-là, mon père a subi un cas comme ça. Ouais. Alors, sur la route de Charlebourg, il était électrocuté comme ça, son cheval est mort, il était électrocuté, puis lui, il a tout simplement subi une exaltation. Ah ouais. Et tellement qu'après ça, il a dû prendre sa retraite, il était tellement Oui. On a une centrale électrique là dans le corps. Le cerveau, c'est un centre électrique extraordinaire. Donc, ça explique peut-être que des personnes qui ont subi une électrocution, un choc électrique, oui, ont altéré leur fonction cérébrale. Il y a eu certainement une possibilité d'ouverture des synapses et oui, d'un oui, flux. Tout à fait, oui. J'ai pas eu des cas d'observation, c'est peut-être dans le cas de mon père que c'est une chose comme ça. Et plusieurs autres aussi ont été... Ceux qui ont été en contact avec des extraterrestres ont suivi ça également. Il y a eu un cas ici, M. X, là, oui, qui a été donc enlevé, puis qui a été ramené par la suite, et qui par la suite a développé des pouvoirs psychiques oui, qui était de clairvoyance. Il a indiqué aux chercheurs, à la police, où était oui, le corps de tel ou tel enfant qui avait été enlevé. Celui qui a le premier nous a enseigné à plier des cuillères, des Geller. Choses. Uri Geller, hein? Ben, il raconte dans... C'est-à-dire, M. Poiré hein, raconte comment ça s'est arrivé, cette chose-là. Alors, il a établi contact avec des extraterrestres comme ça, puis il a subi un choc électrique, véritablement, une charge d'électricité. Et par la suite, il pouvait tellement contrôler sa propre énergie qu'il pouvait faire des phénomènes de, altérer la matière comme ça. J'ai vu une couple d'individus, il n'y a pas très longtemps, qui avaient cette faculté-là de plier des choses devant eux, mais l'énergie qu'eux qui dominaient, c'était leur propre énergie. Hein? Une petite fillette, elle est déjà venue ici, je pense. Hein? Puis bonjour, on t'assurera de la madouer, puis faire raconter son histoire. Elle prenait simplement une cuillère ou une fourchette, n'importe quoi, et après un moment de concentration, et elle libérait cette énergie. Puis là, vivement, la fourchette était tournée en pratique, quelque chose comme ça. Mais seulement, ce qui m'a... Je ne dirais pas que ça ne m'a pas étonné, mais ça a étonné ceux qui étaient dans le tour. À part lui ça après, hein? À part lui ça après avoir fait cette chose-là. Puis finalement, elle disait, c'est mon nom, tu diras que je t'aime pas après. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'énergie qu'elle va libérer, c'est pas l'énergie musculaire. Oui, c'est sa propre énergie qu'elle libérera. Exactement. Une énergie dont les mains deviennent les antennes. Deviennent les antennes. Puis la preuve de ça, c'est qu'elle pâlissait, définitivement. Elle devenait pâle subitement. Puis après ça, on prenait Alan. Puis la cuillère était toute tordue comme ça. J'en ai fait voir aussi quelques-uns, je pense. Est-ce qu'il y en a porté ici déjà? Non, je n'ai jamais vu ici. Non? Que vous avez parlé. Ah ben. Un de ces quatre ans. Ah oui. Alors, l'esprit est de la matière énergisée. Exactement. C'est de la matière énergisée. Puis le cerveau, quand le cerveau devient énergisé comme ça, soudainement, ben, fortuitement, alors il est capable de faire des choses étonnantes, étonnantes. Parce qu'il établit contact avec le système nerveux, le sympathique, le grand sympathique, aussi bien que le système cérébro-spinal. Par une force musculaire, on pourra faire des choses étonnantes parfois, mais le cérébro-spinal, le grand sympathique peut faire énormément plus. Parce qu'il est lié sur l'homme universel. Donc, il y a peut-être un jour, il va y avoir des secrets qui vont être découverts. Les secrets qui ont appartenu aux grands initiés seront découverts par la science, par la biologie, la chimie aussi. Absolument, oui, mais oui. Puis on dira que c'est naturel, c'est tout à fait naturel. Là, il n'y a pas encore accès, il commence à faire, il bafouille dans ça, dans ce domaine-là. Mais il y a suffisamment d'indices pour dire qu'il y a une science à développer. On va bien mettre en pratique. Autrement dit, il y a beaucoup des qualités que l'on nomme mystiques ou spirituelles qui sont engendrées par des phénomènes biologiques oui, ou chimiques dans oui, le corps. Oui. Dernièrement, en Russie, on travaille sur l'électroencéphalographe. Hein? Alors, on fait des choses étonnantes, ça. On dit qu'il n'y a rien qu'une partie de notre cerveau qui est mise en usage. Je ne sais pas quelle proportion. Mais on réalise qu'il y a des lobes du cerveau qui sont tout à fait inertes dans le moment. Alors que l'encéphalographe révèle qu'une certaine... force du cerveau est très active. Hein. La semaine prochaine, je vous ramènerai des photographies Kirlian que j'ai testé un appareil oui, juste avec un doigt, dans un état de repos, de calme, de sérénité. On voit toute l'aura du doigt, puis c'est extraordinaire. Chaque point sort comme une petite flamme bleue, là. Oui. Et puis ensuite, ils m'ont demandé de faire une colère mentale. Ah, ben vous oui, allez voir la différence. Oui, oui. C'est incroyable. Ça part comme une flèche, là. Oui, absolument. Oui. Ouais. Prenez un cas de guérison, par exemple. Même des cas de guérison à distance, hein, faut être isolé pour pouvoir libérer l'énergie. On ne peut pas rien penser à personne puis désirer qu'elle soit bien. Alors, vous libérez de l'énergie, vous libérez de l'énergie à tel point qu'après ça, vous respirez pour reprendre haleine, hein, ça c'est entendu. Puis, même si vous le faites directement, vous sentez que vous émettez votre énergie. Quand j'ai fini, ben, vous êtes obligé de vous frotter les doigts pour que pour devenir normal. Vous sentez quelque chose qui est émané de vous. Puis de la, même de la cire, on travaille sur de la cire. Moi, j'ai travaillé sur de la cire un peu, à la cire de plusieurs autres. Alors, cette cire-là devient encore magnétique. Elle devient magnétique après quoi l'employer. La cire de veille, d'animal. En parlant de la semaine prochaine, excusez-moi, il faudrait penser à ramener la photographie ou l'image représentant la croix sertie. Là. Oui, je la porte, puis on pourra la photographier. Oui, oui. Celle que j'ai est à peu près de cette grandeur-là. Elle est en couleur, là, sûrement. Oui. Alors, on pourrait faire une photocopie, puis en laisser une au centre pour que les gens puissent la voir. Je la porterai ici, on la mettra là, oui. D'accord. Faire une photocopie, ben, c'est trop gros, je pense. Une photographie réduite. Je pourrais porter l'original que je vais faire quelque part. D'accord. On pourrait la photographier, là, avec un film sur le mur, ou bien la dessiner, puis la colorer avec des... On la photographiera, simplement. La photographier, okay. Oui, c'est très bien. Alors, l'esprit étant toujours de la matière énergisée, en termes de vibration, l'esprit est l'essence vitale auquel a été communiquée la plus haute fréquence nutationnelle possible. Cette dépense d'énergie sur la substance crée une condition définie dans la leçon précédente comme étant la compensation. Dans cette leçon sur la compensation, nous avons appris que le bon usage de la richesse matérielle et des ressources naturelles desquelles elle dérive spiritualise ses effets sur le serviteur qui lui permet ainsi d'acquérir de la puissance spirituelle par laquelle il sera en mesure de se contrôler ainsi que son environnement. En d'autres termes, il est possible à l'homme d'altérer la densité de l'unité cellulaire en spiritualisant son environnement par le service constructif altruistiquement rendu. Précisément, alors toute action, tout apostolat que l'homme exerce dans son environnement, c'est une transmutation qu'il fait de sa propre énergie qui elle-même a été subtilisée, sublimée, n'est-ce pas? Alors, c'est la loi de... transmutation dans votre environnement. Ça opère toujours. Et quand vous êtes surchargé de cette énergie, vous n'avez pas de repos tant que vous n'avez pas l'occasion de libérer. Hein? Vous voulez incessamment. Autrement, vous seriez survolté. Hein? On avait des gens se sentir tellement surchargés, survoltés, je pourrais employer le terme, qu'il était obligé de sortir et de dépenser de l'énergie d'une façon quelconque. Donc, en partant du point de vue que la nature a horreur du vide, c'est en donnant de l'énergie que l'on peut se qu'on compense par une fréquence mutationnelle supérieure ou qu'on enclenche exactement. Ce processus-là. Exactement, ça. Oui. Alors, ce mouvement de mutation, d'alternance, est continuel, il ne doit pas cesser. C'est 16, mais c'est l'inertie qui s'empare, puis l'embolie, quand même. Alors, une femme comme Sœur Teresa, par exemple, c'est une femme qui un jour atteindra ce niveau-là de fréquence mutationnelle supérieure, probablement. En tout cas, elle est en cheminement vers ça, puisqu'on parle de service ici. Oui. Oui. Tous les saints, de récent, il n'y en a pas eu un qu'au Moyen-Âge de saints, ni dans la famille chrétienne, il y a toujours eu le Père Pio, par exemple. Vous avez entendu parler, le Padre Pio, peut-être? Padre Pio, oui. Padre Pio. À Gênes, je pense, ou à Rome, quelque part par là, fait des choses comme ça. Alors, il manifestait tous ses pouvoirs, toutes ses facultés, qui, dans des conditions normales, sont pratiquement incroyables. Hein. Et il développe le sens d'ubiquité aussi. Alors, il devient clairvoyant aussi bien que clairaudient. Hein. Un très grand nombre de saints ont étudié les biographies, ont manifesté ces phénomènes-là, qui aujourd'hui sont des sujets d'études. Et des sujets de découvertes scientifiques. Nous avons souvent tendance à considérer la substance physique ou matière chimique, l'essence vitale, sous forme... Bon, ben, il n'y a pas de suite à ça. Ça continue sur autre chose. Alors, pouvez-vous me donner la suite de ça? Nous avons souvent tendance à considérer la substance physique ou matière chimique, l'essence vitale, sous forme de quoi? La vibration, c'est forme de vibration, simplement. Alors, tout vibre, hein, on ne le répétera jamais trop. Tout vibre. Lentement, alors c'est de la matière pondérable, ou rapidement, c'est de la matière que l'on appréhende seulement, pendant notre sixième sens, hein, ou cinquième sens, si vous voulez. Alors, tout ce qu'il y a dans l'univers est du mouvement. C'est du mouvement, de la vibration. Et cette vibration-là est lente, ben, elle se focalise, et elle se solidifie, et elle est tangible. Okay. Alors, ça, c'est la nature de l'univers. Il y a un seul mouvement, qu'il soit lent ou rapide, c'est la même chose. C'est pour ça que l'électricité, c'est de la matière. L'esprit, c'est de la matière. L'esprit pèse. l'esprit pèse et lourd. On a observé plusieurs fois à l'hôpital, un hôpital de New York, l'hôpital de Bellevue, je pense, que quand une personne meurt, et si on la met sur une balance assez subtile, assez sensible, au moment de la mort, la balance se lève. Parce que l'esprit ou le médiateur plastique que l'on, qui donne la vie au corps disparaît. Alors l'esprit est pesant et lourd. L'esprit est donc la matière. Impondérable, mais qui a du poids. Elle a du poids. Sans un chancelier, le dit carrément dans son chose. La matière, l'esprit pèse. L'esprit est lourd. Il gravite vers la terre. Ouais. La substance physique est simplement la plus grande densité des sept états de matière. Oui. Et l'esprit, par contre, est le plus puissant des sept états d'énergie. Pour expliquer ce concept dans le langage le plus simple possible, il n'y a qu'une seule substance cosmique racine dans l'univers, fonctionnant en sept états fondamentaux de vibration. Et de ces sept états, la matière est la plus dense et l'esprit la plus raréfiée. Bon, ça c'est toute la gamme, hein? C'est le clavier cosmique, toutes les gammes du clavier sont ça. À partir du gaucher, les notes les plus basses de perception, aussi bien que le plus subtil, les plus hautes. Bon, mais ça, c'est simplement différents modes de manifestation. Mais derrière ça, il y a simplement le théon, le mouvement universel, qui est la vibration. Hein. Et théon, on en a fait Dieu, hein, le mouvement universel. Hein. Le caractère interfusionnable de la matière force primaire de laquelle l'univers a été édifié devient plus vital à notre discussion quand nous réalisons que l'univers peut se définir soit comme substance cosmique racine douée de puissance spirituelle provenant d'une source divine quelconque, ou comme énergie cosmique racine à laquelle a été communiquée des ressources matérielles de magnitude illimitée. C'est la première version qui est la plus plausible, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas la matière qui a émané l'esprit. Hein? Alors, c'est l'esprit qui s'est coagulé en tombant dans des conditions diamétralement opposées à son état original, qui a fait la matière. Alors la formule initiale, que l'esprit c'est de la matière coagulée, ralentie, et inversement. Alors ça donne la formule totale du clavier cosmique. La transmutation de la substance en énergie et de l'énergie en substance est un processus bien connu de la science moderne. C'est aussi un fait bien connu que dans chaque atome de matière réside une quantité infinie d'énergie. Mais un fait moins bien connu est que dans chaque atome d'esprit, il y a une quantité infinie de matière. Oui, mais est-ce que je viens de préciser, n'est-ce pas, que la matière pèse, on peut le constater de bien des façons. Alors, cette dichotomie, l'esprit subtil, matière grossière, ça n'a plus de sens. Alors, les deux sont de la même nature, intrinsèquement, seulement qu'ils sont des pôles opposés. On peut dire que la matière et l'esprit coexistent et qu'ils ont besoin chacun de l'un de l'autre. Exactement. Et du coup, je suis, oui. Ils sont inséparables aussi. C'est inséparable. La matière n'existera pas si elle n'est pas imprégnée d'esprit. On prend, par exemple, la pierre de notre briquet. Hein? Il y a d'esprit emprisonné sous forme de feu, n'est-ce pas? Dès que vous l'avez irrité, que vous l'avez stimulé, que vous avez mis un catalyseur, que ce soit cette rondelle d'acier, alors l'esprit sort sous forme de feu, hein? D'étincelle, hein? Bon. Alors, la flamme viendra après s'il y a quelque chose de combustible. Mais il y a du feu dans cette matière, dans n'importe quelle pierre, dans tout, il y a du feu. Hein? Bon. Alors, il s'agit de l'éliciter, de le faire jaillir. Bon. Alors, ça, c'est une preuve encore assez évidente que la matière et l'esprit sont concomitants. Ouais. Donc, non seulement chacun a besoin de l'autre, mais il l'implique encore. Oui, oui, oui. La matière implique l'esprit. Parce qu'on est dans le binaire, puis... À moins d'atteindre à la monade, absolument dit, est-ce que c'est l'intelligence pure ou l'esprit pur? Mais dès qu'on tombe dans le monde matériel, là, c'est la monade qui se... Mais là, une question qui vient d'arriver, l'esprit aurait-il donc un poids? C'est ça. Exactement, oui, la réponse est oui, définitivement. L'esprit a du poids, l'esprit pèse, il est lourd, il gravite vers la terre. C'est le mystère de l'incarnation. Oui, l'esprit a un poids, oh oui. Naturellement, la science moderne ne reconnaît pas encore l'existence d'un atome d'esprit. Tout ce qu'elle est prête à admettre est que la matière contient de l'énergie et que l'énergie contient de la matière. Toutefois, il y a quelques savants qui sont prêts à affirmer, au moins privément, que la substance existe au-delà du degré de vibration purement matérielle. Oui. Voici. Le mot atome, par son étymologie, veut dire insécable, n'est-ce pas? Indivisible. Mais c'est faux, on peut diviser l'atome en électrons, en psychons, en photons, en tout ça. Hein? Alors la matière se divise à l'infini, aussi bien qu'elle peut se multiplier à l'infini. Alors, dans ce domaine-là, c'est pas de ce qu'on a tendance à se perdre en conjecture, mais on a autant de mystères dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Et la théologie même est prête à accepter que derrière tous ces phénomènes, que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, il y a quelque chose qui dépasse ça, qui dépasse aussi notre capacité de compréhension. Alors, le théologien, le dictionnaire théologique des Libans, par exemple, nous précise ça, qu'au-delà de ça, c'est le nec plus ultra, on ne peut pas aller plus loin. Ça dépasse notre faculté de compréhension parce que nous sommes limités. Puis là, on traite avec l'infinitude. Ça ne sera pas long avant que l'on reconnaisse une nouvelle hypothèse, nominalement que l'énergie existe aussi au-delà du domaine des forces vibratoires connues, telles que l'électricité, l'électromagnétisme et les radiations gamma. Le temps viendra quand les niveaux spirituels de vie seront aussi prouvables que les niveaux matériels, et dans le monde du futur, l'homme ne mènera pas une existence de ségrégation telle qu'il le fait présentement, inconscient qu'il est de la discrimination qu'il exerce contre lui-même quand il refuse d'embrasser la totalité de la vie qui l'entoure. Justement, là, ça lui répugne de considérer qu'il y a deux plans de conscience diamétralement opposés, mais à mesure que l'on chemine, que la science aussi bien que l'expérience, la parapsychologie, il voit qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre les deux. Puis, très rapidement, on sera d'accord que c'est seulement deux opposés, deux facettes. Entité, l'atome de l'intelligence. Oui. L'endroit où la matière et l'esprit se fusionnent dans la forme de la substance et de l'énergie est appelé le pivot. Concernant ce point spécifique de fusion, nous en aurons davantage à dire dans les leçons subséquentes. C'est justement, c'est quand on va rentrer dans le domaine de la transmutation que l'on voit un point équidistant entre la matière et l'esprit. On voit un ballon, par exemple, qui est vide, définitivement vide, hein, qui cependant pèse. Hein. Alors, on a à choisir entre le coaguler de nouveau ou bien le convertir en lumière. Se convertir en lumière, bon, au lieu de faire une implosion, ça fait une explosion. Ça s'est arrivé quelquefois. Alors, ce vide apparemment inerte contenait de l'énergie, hein, qui n'était pas détectable par les moyens ordinaires. Mais cette énergie-là, non seulement existait en potentiel, mais elle pesait également. Parce que ce ballon qu'on avait pesé avait le même poids quand il était vide, apparemment vide, quand il contenait un bloc de matière d'un kilo, disons. Alors, on a vu qu'on est déçu par l'impression sensorielle, le témoignage de nos sens, que la matière et l'esprit sont identiques, excepté à deux pôles opposés, deux pôles différents. C'est pour ça que l'on recommande de visualiser et d'utiliser notre énergie pour convertir nos pensées par le biais de l'intelligence, de la mémoire, en des réalités tangibles, palpables et même lourdes. Ça a commencé par une pensée seulement, mais cette pensée, c'est de l'énergie. Pensez à une certaine intensité. Vous allez devoir respirer plus rapidement que si vous étiez simplement inerte. Hein? Oui. Ah oui, ça, c'est à fait. Si vous pensez résoudre un problème de mathématiques, par exemple, ça demande faut s'ajuster les méninges. Alors, vous allez respirer plus rapidement parce que vous dépensez de l'énergie. L'énergie cérébrale, l'énergie psychique. Hein? Bon. Alors, l'énergie que vous manifestez en visualisant des conditions quelconques, en employant votre intelligence, c'est de l'énergie réelle, l'énergie qui agit. Qui meut la matière. On dit même, s'agitat molem, hein? L'esprit agite, agence la matière. C'est bien ça. Alors, l'esprit est agent, puis la matière est patente, est passive. Alors, ce n'est pas quelque chose de nébuleux, quelque chose d'impondérable. L'esprit, votre esprit, ou souvent l'esprit universel, a de la pesanteur, de la substance. Alors, quand on le manipule, quand on l'emploie, on agit avec de la matière. On agence la matière. On aura des résultats matériels dans toutes les circonstances, en suivant les règles. Cette pesanteur-là, ce ne serait pas quelque chose comme de la volonté, peut-être? La volonté, justement. La volonté, c'est une pression, c'est une tension, n'est-ce pas? La volonté, c'est de l'énergie. L'énergie vitale, la volonté, oui. Alors, on dit le désir plus fixité d'attention. Fixer d'attention, c'est maintenir notre attention sur un sujet. Ça demande la volonté pour penser avec ses points sur un sujet quelconque. Alors, la volonté, c'est un effort, n'est-ce pas? C'est un effort, c'est une tension. Je relis ce chapitre-là parce qu'il me semble que c'est important de bien l'intégrer. Quelque part dans le registre vibrationnel entre la matière et l'esprit, et au centre exact du clavier cosmique, se trouve une nouvelle entité, l'atome de l'intelligence. L'endroit où la matière et l'esprit se fusionnent dans la forme de la substance et de l'énergie est appelé le pivot. Concernant ce point spécifique de fusion, etc., la semaine prochaine... Voici, on a tendance à appeler ce médium intermédiaire le centre psychoplastique, c'est-à-dire qui... ce vers quoi il se dirige, vers quoi il tend son énergie, fait agencer la matière. Pareil comme, par exemple, des ondes lumineuses passant à travers un diapositif dans la boîte de projection, ramassent les particules et les projettent sur un écran. Hein? Alors, cette énergie psychoplastique, c'est le terme que l'on emploie maintenant, a tendance à ramasser, à coaguler ces particules de substances quelconques et de leur donner plus de densité. Mais est-ce que ça voudrait dire que si on était capable d'intégrer ces principes-là inhérents à l'esprit, c'est-à-dire la volonté réelle et l'intelligence réelle, on pourrait agir sur notre destinée, pourrait changer les conditions de absolument, notre vie. Absolument, voilà. Parce que nous sommes ce que nous avons conçu. On sortirait de la prédestination ou du karma. Certainement, oui. La prédestination, naturellement, c'est un terme que l'on emploie à bien des sources, mais... Non, on est capable d'agencer notre destin définitivement. Oui, en sachant ce que l'on veut, et en se dirigeant avec volonté, volition, oui. Dans la dimension de l'intelligence, le pôle négatif de la matière se combine avec le pôle positif de l'esprit pour produire un pôle mental avec une nouvelle caractéristique, celle de la pensée. Oui. Bon, maintenant, la pensée, c'est simplement un fantasme. C'est-à-dire qu'une image, quelconque que soit, une image verbale ou une image convertie de phonème, ça n'a pas d'importance, sont des créations. Alors la pensée est créatrice par elle-même. Créer, c'est simplement donner naissance à quelque chose qui était un chaos auparavant, n'est-ce pas? Alors, toute cette activité cérébrale, cette cogitation ou cette agitation intérieure a tendance à ramasser toutes ces particules d'énergie psychique qui entourent la planète, qui sont l'âme de la Terre, et en faire une création selon l'image que l'on y projette dedans. Alors, l'illustration la plus probante, c'est celle de la projection cinématographique. Aujourd'hui, on peut faire des projections dans trois dimensions. Hein? Dans trois dimensions. Au lieu d'avoir ça sur un écran de simple plan, vous avez ça sur un espace tridimensionnel de matière. Bon, alors ça, c'est possible. Le stage suivant, c'est simplement que ça soit permanent. Et ça peut se faire. Ça peut se faire. Quand on a passé par le plan purement superficiel, le plan tridimensionnel, si on tombe dans le plan quadridimensionnel, là, on a quelque chose de permanent. On est encore loin peut-être, mais c'est prévisible. C'est prévisible, définitivement. On est capable de l'imaginer, on peut le faire. Oui. Tout ce que l'homme peut concevoir, il peut le réaliser. Parce que la conception tourne toujours par... La naissance d'un imbriant quelconque. Mais ça voudrait dire quoi, ça, finalement, concrètement, lui donner une permanence? Que ça restera. Oui. Ça restera. Mais donnez-moi un exemple de création, là, par projection. On peut prendre un égrégore, par exemple. Oui. Un égrégore n'est pas nécessairement composé d'individus. Ça peut être composé d'une... forme pensée. Une d'énergie. Forme pensée à laquelle aurait participé un très grand nombre de personnes. Bon. Des auteurs défunts, par exemple. Hein? Une thèse, hein? Alors, cette chose-là existe en permanence, tant qu'elle n'aura pas été neutralisée par l'oubli total. Alors, les pensées ont de l'être-té, ils ont de la substance, puis ils ont de la permanence. Qu'ils soient pris en considération par un très grand nombre ou par un seul individu, tôt ou tard, elles se réaliseront. Si elles ne se réaliseront pas, à un moment donné, un autre s'en emparera, parce qu'elles existent en permanence. Il y a bien des inventions que l'on découvre aujourd'hui, que l'on redécouvre aujourd'hui, qui ont été pensés par des penseurs d'il y a plusieurs millénaires. Ça, on a prouvé ça. Autrement dit, il y a un mécanisme pour aller chercher ce qui existe au niveau de l'homme universel. D'avoir la manifestation. Oui, justement. Mais dès qu'elle a été mise en branle, cette pensée-là, avec tout ce qui y rattache, elle existe en permanence. Elle n'a de repos tant qu'elle ne s'est pas manifestée, tant qu'elle ne s'est pas matérialisée. Ouais. Alors, dans la dimension de l'intelligence, le pôle négatif de la matière se combine avec le pôle positif de l'esprit pour produire un pôle mental avec une nouvelle caractéristique, celle de la pensée. Cette partie de l'esprit qui participe de la nature de la matière est appelée l'intelligence concrète, puisqu'elle symbolise la substance mentale. Cette partie de l'intelligence qui participe de la nature de l'esprit est appelée l'intelligence abstraite, puisqu'elle signifie l'énergie mentale. Vous vous souviendrez que nous avons déjà prouvé que toute manifestation physique est une idée dans l'esprit, et que ces idées sont sujettes à transmutation, c'est-à-dire sujette à être convertie de l'énergie mentale en substance mentale et inversement. Bon. Alors, c'est simplement le contour du jeu qui se fait entre l'esprit et la matière. C'est le grand jeu, hein? L'illusion. Hein? Alors, l'homme est exactement une idée permanente dans la pensée du Créateur. Hein? Alors, le plérome sera sa réintégration. Mais tant que l'idée durera, tant que l'homme l'entretiendra et se tiendra en accord avec l'originateur de l'idée, il existera. Et co-éternel avec son créateur. Et la pensée exactement, la pensée individuelle. Ouais. Comme on dit, quand il arrête de penser à nous, on n'existe plus. Par l'esprit, nous référons à la dimension de la pensée qui est au-delà de toute vibration, associée avec le plan physique. Le cerveau est le mécanisme physique employé par l'homme dans un corps physique afin de traduire les opérations mentales en actions physiques. Il est un organe entièrement physique qu'il ne faut pas confondre avec l'intelligence comme un corps en elle-même. Pour le scientiste ésotérique, le domaine mental est l'endroit où la résolution est donnée à la demande et où l'intelligence est née comme résultat du mariage de la matière et de l'esprit. Alors, cette expression-là, le mariage de la matière et de l'esprit, c'est la coalition, la cohésion de quoi naîtra forcément la génération. Alors, ce sont les deux pôles d'une même unité qui, dès qu'elles sont unies, doivent créer la matérialité, doivent créer l'univers tangible, visible, le cosmos, quoi. Alors qu'autrefois, c'était le chaos, le chaos, hein? Alors, c'est la synthèse du grand tout. Et ça se résume à ceci, pour bien jouer ce clavier cosmique, il faut connaître ses possibilités à partir du plan le plus grossier, à la gauche, si on veut dire, aller jusqu'à la droite, le plan le plus subtil. Et il y a toute une infinité de mélodies, c'est une symphonie avec plusieurs instruments qui entrent en jeu. Et le tout, quand il est mis en branle, ben, c'est de toute beauté. Alors les grands mystiques, les grands, je veux parler des grands musiciens, Mozart, etc., qui ont compris intuitivement cette chose-là, c'est ça qu'ils ont fait. Pour nous, ils ont joué sur ce clavier cosmique pour faire appel à nos oreilles et à notre oreille intérieure également. Alors, ce clavier cosmique, c'est l'art, non seulement de la musique, mais c'est l'art de la vie en général. Parce que la vie est une musique. La musique, c'est une vibration. Et la vibration, c'est une émotion, un mouvement intérieur. Hein? Alors, ce clavier cosmique a plus de réalité que l'on pense. Ce n'est pas simplement une figure de langage. Ouais. Ici, une autre proposition en majuscule. L'intelligence est de la matière énergisée, maintenue en adhérence avec l'esprit cristallisé par l'exercice de la pensée. Alors, la pensée, c'est ni plus ni moins le matériel qui consiste en des clichés que l'on a créés par nos observations sensorielles et auxquels on introduit la vie. Dans l'occurrence, à chaque fois qu'on a l'occasion de produire ou de créer quelque chose. Alors, cette intelligence qui produit la pensée, c'est une manipulation du matériel à notre disposition que l'on s'est procuré en observant ce qui se passe tout autour de nous dans la nature. Alors, l'intelligence se sert de la pensée pour faire une agrégation de tout ce qui est disponible pour créer d'abord sur le plan spirituel, le plan psychique, le plan intellectuel et finalement sur le plan matériel. Et je la répète celle-ci. L'intelligence, oui. C'est de la matière énergisée. Exactement. Maintenue en adhérence avec l'esprit cristallisé par l'exercice de la pensée. Exactement. Alors, l'exercice de la pensée, c'est le maniement, la manipulation de toutes ces impressions sensorielles qui, pour nous, sont des outils de travail des outils de travail, véritablement. Avec toutes ces impressions sensorielles, ça c'est notre bagage d'idées, n'est-ce pas? L'homme se nourrit, vit d'impressions. Il se nourrit, oui, justement. L'impression, ah oh, oui. Non, mais pas tant seulement. Ouais. De cette discussion jusqu'ici, on peut observer d'emblée que la matière, l'intelligence et l'esprit sont indivisibles, c'est-à-dire qu'elles coexistent, ne sont identiques qu'en différents états de mode vibratoire. Dans chaque atome de matière, conséquemment, il y a un élément d'intelligence et un élément d'esprit. Mais quand la matière est dominante, l'esprit est récessif. Semblablement, dans chaque atome d'esprit, il y a un élément d'intelligence et un élément de matière. Mais quand l'esprit est dominant, la matière est récessive. Exactement. On voit ça dans l'étude de la cellule. Le paramecium communem, par exemple, l'amibe, hein, disons. Alors, il manifeste une capacité de vie séparée, de vie isolée, aussi bien que de vie collective. Alors, fait partie d'une collectivité, telle que dans un organe, par exemple, il réduit son intelligence à la fonction spécifique à laquelle il a été voué. Mais si, par exemple, il vit seul, bien, il peut prendre n'importe quelle forme qu'il pourra faire. C'est ça qui a fait l'évolution, selon la théorie de Darwin, que l'amibe ou bien n'importe quel autre animal monocellulaire pouvait se diriger dans n'importe quelle direction, parce qu'il était capable d'une pensée individuelle, hein? Parce qu'il était purement esprit. Hein? Alors, dès qu'il fait partie d'un tout quelconque, alors là, il doit subir l'influence de la masse. Ouais. Un atome d'intelligence contient les qualités de la matière et de l'esprit en union parfaite. Par conséquent, quand l'intelligence est dominante, la matière et l'esprit sont tous deux récessifs. Tous trois, la matière, l'intelligence et l'esprit, constituent une essence vitale, inséparable dans un rang dimensionnel septénaire de vibration. C'est de l'activité atomique dans son aspect le plus large et le plus complet. Voilà, voilà. À mesure que l'on fait l'ascension de ces gammes ascendantes, il y a toujours un plan trinitaire. Hein? Alors, il faudra toujours trois forces en opposition, c'est-à-dire deux qui sont contraires, en antagoniste, une autre qui fait l'équilibre, les deux contraires. Mais ce sont sur tous les plans. Pouvez-vous me donner quelques exemples, justement? Oui, justement. Dans la chromatique de Pythagore, par exemple, une des exemples de ça. Comment est-ce que le cheminant se fait toujours sur les trois plans, pour qu'il y ait trois éléments qui entrent en jeu pour produire cette gradation de couleurs à partir de l'infrarouge aller jusqu'à l'ultraviolet. Il y aura toujours trois phénomènes qui seront simultanés. Les trois devront être coexistants. Et sur un plan psychologique, par exemple, ou philosophique? Bon, voici, il y a d'abord la conception qui est créée par un désir de bienfaisance, soit pour soi ou pour la race tout entière. Ensuite, ça, il y a l'inception de la matière et sa libération. Hein? Alors, il y a un élément dynamique, un élément magnétique, puis un élément équilibré qu'on considère à le libérer dans ce domaine-là. Bon. C'est là que la création psychique ou bien la création sociale, sur le plan social, se fait comme ça. Toujours ces trois éléments-là. Positif, négatif et équilibrant. Bon, et dans notre perception psychologique ou émotive du bien et du mal, ce serait quoi l'élément équilibrant? Ah, voilà. Ou du négatif et du positif, oui, par exemple. Mais ce serait de prendre le point neutre entre les deux. On dit neutralité. Neutralité. C'est-à-dire on observe les phénomènes sans préjuger. On pourrait dire, par exemple, le mal, ce n'est que le bien qui lui lance son chemin à travers les obstacles. Très bien. Alors, on regarde impassiblement. On dit, mal, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien. Ça dépend de l'attitude qu'on prend vis-à-vis de ça. Mais on dit qu'à la fin de tout, ce sera bienfaisant. Parce que le mal forcera tellement son chemin, violentera tellement son chemin, que ça deviendra un bien collectif. Hein? Et comment est-ce qu'on peut appliquer ça à la vie et à la mort dans la polarité? Ben voici, quand le véhicule, le corps humain, n'est plus capable de s'exprimer correctement, adéquatement, alors il cherche un nouveau médium d'expression. Alors, forcément, il doit abandonner l'outil qui ne peut plus servir correctement. Alors, la mort, on aurait beau dire c'est une deuxième naissance, ça s'applique également à ça, c'est un changer de cycle, changer de palier, ni plus ni moins. La mort n'est pas un mal, c'est une bienfaisance, c'est un déguisement. On dit la mort, c'est la seule jumelle de l'amour. Alors, c'est la matière qui devient récessive, là. Exactement. Puis l'esprit prédomine. Il prédomine. Alors, quand l'être abandonne sa scaphandre, alors il a besoin d'un véhicule qui est plus apte à lui permettre de s'exprimer correctement et à dépasser l'utilité ou les possibilités d'utilité de son enveloppe charnelle. Hein. La mort, c'est donc une émancipation. Ouais. Alors, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oh oui, il n'y a pas d'erreur. Ouais. Parce que l'intelligence existe dans la matière, elle peut affecter la matière et la changer en de nouveaux arrangements et conditions. L'environnement est un arrangement de matière qui peut être affecté par l'intelligence, votre intelligence. Oui. Alors, si on vit dans un monde qui est inadéquat à nos exigences, à nos ambitions, alors notre devoir et notre capacité, c'est de l'altérer, de la modifier, de la transmuer afin que l'on puisse réaliser le dessin plus élaboré que l'on se fait de l'actualité de l'environnement. Alors, toujours la même formule, l'esprit agencera toujours la matière. Et quand l'esprit concevra des conditions plus idéales, plus favorables à l'évolution, là, la matière devra subir ce changement sous l'impulsion de l'esprit. Mais c'est toujours l'impulsion viendra toujours de l'esprit. Mais quelle différence il y a entre cette intelligence dont on nous parle là, cette intelligence de l'esprit, puis l'intellect? Bon, voici, l'intellect, c'est la faculté, puis l'intelligence, c'est l'usage de la faculté. En sémantique, par exemple, on dirait qu'il y a une petite distinction à faire. C'est pareil comme la pensée puis le penser. Le penser est une fonction de la matière, je l'écris après la sphère, la fonction de penser. Et la pensée, bien, c'est le produit du penser. Alors, l'intelligence et l'intellect, ça c'est la distinction qu'on pourra faire. C'est de la sémantique qui n'est pas toujours évidente au début, mais il y a une petite distinction à faire. Un Becherel ou bien Larousse dirait qu'il y a une petite distinction, oui. Tout d'abord, il est possible de réaliser que non seulement l'intelligence peut affecter la matière, mais aussi que la matière peut affecter l'intelligence. Oui. Le premier phénomène comprend le champ d'études connu sous le terme de métaphysique. Le dernier est le domaine spécial de la psychologie. L'effet de l'environnement sur le comportement, les attitudes et le procédé de la pensée de l'individu est bien connu de tous les étudiants du sujet. Oui, on a quoi dévié? On a conçu des méthodes de behavioritisme, tout ça, de conditionnement basé sur les restrictions de la matière qui se trouve à restreindre l'usage libre de l'intelligence. Mais on peut réaliser, et le but ultime de ces philosophies, c'est de faire réaliser que ce n'est que passager. Dès que l'on voit l'inanité de la matière, on peut en détruire les effets nocifs. Mais ça demande... Mais pourriez-vous me donner un exemple où la matière peut affecter l'intelligence? Si vous vivez, par exemple, dans un environnement qui ne vous permet pas d'avoir accès à la connaissance et à l'exercice de vos facultés, alors vous êtes forcément stupéfié, ankylosé. Par contre, tomber dans des conditions où vous avez accès à la connaissance et vous avez la faculté de vous déplacer dans la matière et d'agencer la matière, là, vous pouvez évoluer. Alors, dans le premier cas, votre intelligence, votre capacité de rendement est influencée par votre environnement. Alors que dans un environnement contenant, vous pouvez agir librement, en ayant les moyens. L'effet que l'esprit a sur la matière ainsi que sur l'intelligence est moins connu. Cette considération nous mène à des concepts profonds, habituellement associés à l'étude de la philosophie et des sciences ésotériques supérieures. Maintenant, le point important pour vous est de réaliser que vous êtes un agrégat de cellules atomiques au sein duquel la matière, l'intelligence et l'esprit sont entrelacés. Il n'existe aucun moyen de vous dissocier de cette combinaison. Oui, vous, c'est la trilogie, la trinité basique, corps, âme, esprit, matière, intelligence et esprit. Disons que le corps, pour fin d'argumentation, représente la matière, l'intelligence représente l'esprit. Et il y a un entrejeu qui se fait entre les deux par le biais d'un élément impondérable que l'on appelle l'esprit proprement dit. Et l'esprit n'a pas de qualité, il prend ses caractéristiques selon les conditions qui se prêtent à son usage. D'accord. Sans égard à votre condition ou environnement, incarné ou désincarné, vous posséderez toujours un corps, une intelligence et un esprit. Forcément, pour vous. Parce que tout ce qui existe dans l'univers doit avoir trois éléments indispensables, que ce soit incarné ou désincarné. Ce n'est pas un corps de matière solide, visible. Ouais. Ce sera un corps de matière éthérique, mais ce sera un corps quand même, ce sera le périsprit, ce sera le médiateur plastique, ce sera ce que vous... Il faudra toujours un véhicule. Même l'énergie des photons doivent être véhiculés par des particules de matière quelconque. Hein. Même la matière solaire doit être véhiculée par l'atmosphère de la Terre. Par elle-même, il faut qu'elle ait un véhicule. Alors l'intelligence doit avoir un véhicule également, qu'elle soit incarnée ou désincarnée. D'ailleurs, on sait maintenant, on n'ose plus en douter, que la rupture du cordon d'argent n'est pas la finalité de la conscience. Hein. Pareil comme la rupture de la conscience d'éveil n'est pas la cessation de l'activité mentale. Hein. Alors on est partiellement désincarné durant le sommeil, que ce soit une désincarnation finale ou bien temporaire, il y a toujours l'intelligence qui prédomine. Parce que le véhicule demeure, quand même qu'il demeure rien qu'à proximité du corps. Ouais. Donc on possédera toujours un corps, une intelligence et toujours, un esprit. Oui. Quelle que soit la subtilité du corps, c'est un corps spirituel, un corps éthérique, un corps astral, ce sera un corps. Il faudra ça forcément. Autrement, ce sera le néant. Puis il n'y a pas de néant dans l'univers. Ouais. Alors ils disent ici, la question demeure à jamais, quelle sorte de corps, quelle sorte d'intelligence et quelle sorte d'esprit. Je sais quand il est privilège de se désincarner ou pratiquer des méthodes de décorporation. Il y en a un très grand nombre qui le font maintenant, de plus en plus. Alors savent que le corps spirituel, le corps astral, est vraiment pondérable. Hein? C'est un changement de fréquence mutationnelle. Absolument, un changement de fréquence, oui. Oh, mais ça existe alors. Oh, je peux vous dire qu'un très grand pourcentage de la population savent maintenant que le corps éthérique existe. Hein? Ils ne comprennent pas, mais ils le savent. Hein? Même les médecins disent, en sont conscients. Ça nous dépasse, alors on refuse de s'y vouer parce qu'on se perd en conjecture. Mais on connaît cette existence. Et vous, l'exemple que je donnais tout à l'heure, prise à l'hôpital de Belleville, Bellevue, oui, de Montréal. Alors, la pesanteur d'un corps qui change dès que l'esprit ou le père-esprit en sort. C'est un bel exemple, ça. Ouais. Puisque la matière et l'énergie ne sauraient être ni créées ni détruites, selon la science physique, il s'ensuit que le matériel, le mental et les composantes spirituelles de l'atome humain, l'essence vitale en activité atomique au niveau humain de l'évolution, sont aussi incréables et indestructibles. En d'autres mots, puisque vous ne pouvez créer ou détruire l'essence vitale de laquelle vous êtes constitué, vous pouvez et devez altérer la forme prise par votre corps, les idées entretenues par votre intelligence et les vertus assimilées par votre esprit. Alors, en vivant comme ça sur les trois plans, alors, on réalise, malgré nous, que ce que l'on détient dans notre être-té, c'est quelque chose d'indivisible et d'immortel. Ça n'a eu ni commencement, ça n'aura jamais fin. Et comme point équidistant, on est encarcané ou emprisonné dans une masse de matière qu'elle-même, on peut subtiliser, qu'on peut contrôler, qu'on peut modifier également. Et l'état idéal, ce sera de convertir ces trois éléments-là en un seul, pour avoir une trinité homogène de la totalité de notre être. C'est le but vers lequel nous tendons tous. Corps, esprit, faire une seule entité. La matière se distingue par le poids et l'extension. Oui. L'esprit se distingue par l'influence et l'intensité. La matière représente la quantité, alors que l'esprit représente la qualité. Peut-on dire que le vent a de la densité, a de la pesanteur? Un vent pourrait affecter une balance, n'est-ce pas? C'est une force. Hein? Alors, la densité, ce n'est certainement pas un critère de réalité. Toute force pèse. Je mentionne le vent, je pourrais mentionner n'importe quelle autre force aussi. L'aimant, ou le périsprit dans l'homme. Alors, cet esprit, cette chose subtile, a de l'énergie. Si elle a de l'énergie, elle a de la matière. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience américaine où ils ont dématérialisé un navire de guerre, là, l'expérience Philadelphie, avec des champs de force? Des champs de force, exactement, oui. On a fait ça plusieurs fois, à plusieurs reprises, oui. Alors, ce n'est plus ni moins de, je dirais pas, de décorporer la cellule primordiale temporairement. C'est ce qui se passe dans les trous noirs, dans les phénomène d'hyperespace. Les gens disparaissent. Oui. On a vu plusieurs comme ça, des cas comme ça. Est-ce qu'il y a ce genre de phénomène dans le triangle des Bermudes? Triangle des Bermudes, oui, c'est ça que je veux faire allusion. Il y en a un très grand nombre, il y a une vingtaine de volumes qui ont été écrits sur ce sujet. C'est exactement ce qui se passe, la même chose s'est faite à Philadelphie. Mais il semble que les marins qui vivaient donc sur ce navire de guerre, qui, lorsque l'expérience a été terminée, sont devenus fous. Ben, c'est-à-dire, il y a tellement de contrastes entre l'observation ordinaire et l'observation d'état d'esprit dès qu'ils ont tombé. Ils sont devenus fous dans le sens qu'ils n'ont pas pu comprendre. Ils étaient stupéfiés, sidérés, pour ainsi dire. Le terme s'appliquera. Oui. Mais d'autres ont pu reprendre leur esprit et essayer à décrire, tenter de décrire ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Parce que vous tombez dans un monde parallèle, dans un monde extraterrestre. Ou... Je vous conseille la lecture de ce petit livre, là, c'est dans la collection J'ai lu, ça coûte pas cher. Oui, c'est moi. Expérience Philadelphie, je pense, ou Philadelphie Experience. Oui, mais c'est pas une expérience unique. Ça s'est fait bien des fois, ça. Mais elle est très spectaculaire, navire de guerre au complet. Oui. Puis dans les trous noirs, il y a eu des choses aussi semblables. Puis dans un triangle de Bermude, comment est-ce qu'il y en a de disparus comme ça? Des flottilles tout entières. Des escadrilles tout entières, oui. Alors, comme je disais il y a quelque temps, l'espace est courbe, n'est-ce pas? Et la seule manière que l'on pourrait l'expliquer, ce serait en prenant la bande de Möbius. Hein? On a parlé de la bande de Möbius, mais si au lieu de prendre la bande de Möbius, on prenait une sphère creuse, où on ferait deux ouvertures, deux pôles, disons. Alors, on ferait le reversement comme ça. On aurait le phénomène de ce qui se passe dans l'espace, exactement. Alors, c'est possible, ça. OK, merci beaucoup, Alexandre. Plaisir. Ouais. Merci pour votre éclair. Merci tout. Merci de t'en être, François. Merci de tout t'en être. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, puisqu'on n'a pas terminé. C'est très curieux, là. Je comprends pas ce qui se passe très bien dans ce chapitre-là. Il s'arrêtait au bout de 6 pages, et voilà qu'il n'y a plus de fin, et il continue ailleurs. Et ça doit être tout ça. Fini. Il y a bien des choses qui sont énigmatiques. Hein? Ils sont tellement serrés, hein, que c'est pas sans les lire, les relire et les entendre plusieurs fois que vous direz, là, je comprends. Ces choses-là. Mais dans quelques pages comme ça, il faut mettre tellement de matière, mais ça représente la totalité de la connaissance au sujet de ce qu'est la matière et ce qu'est l'esprit, au sujet de ce qui est véritablement dans notre univers. J'ai 36 ans de recherche pour ce travail-là. Moi, ma contribution, c'est simplement de le traduire puis d'élaborer. Tu sais. Ouais. En tout cas, tout à l'heure, ça s'arrêtait à la page 20, puis maintenant, ça s'arrête à la page 26. Alors, Bon, il y a un chapitre qui a été glissé entre-temps dans le... Oui. Je comprends pas. En tout cas, on a de la matière pour la semaine prochaine. Oui. Il y a 6 autres pages qui sont là-dedans maintenant, que j'ai pas lues, que j'ai pas vues. On va voir le prochain texte. Je suis en train de travailler sur le 8e. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez encore rester avec nous pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que le centre ferme ses portes. Vous êtes les bienvenus encore jusqu'à la fin, tant qu'il restera du café et des chips. Et à la semaine prochaine. Merci de votre bonne attention. Merci de votre bonne attention.